249. Je sois de ta présence, divin chef de ma foi. Mets et chante. Je sois de ta présence, divin chef de ma foi. Nous sommes dans la prière. Nous devons nous sanctifier toujours devant le Seigneur. C'est là quoi, Emmanuel Sala. Peut-être tu as fait quelque chose qui n'est pas normal. Tu es dans le Dieu. Peut-être dans le pensée ou en parole, en acte. Que le sang de Christ s'enfuie en toi. Parce que tu es en sa présence. Nous sommes dans la prière. Et nous référons toujours à la parole de Christ. Il est le seul, nous sommes le serment. Et nous ne pouvons rien faire sans lui. Si nous sommes là présentement, c'est pour sa cause. Donc c'est pour qui nous aide. C'est pour qui nous fortifie. C'est pour qui nous enseigne. Parce qu'on ne connaît rien. Donc, Nous recommandons la grâce du Seigneur. Et un frère recommande l'orateur. ngam neddo be hore mako o wawata kodume ha wolde ma wutuda na neddo wolde ma warta mere de torama be ndema si on je wolde tan wutu e mako wondu be mako jogum leccungo mara be inde biddo ma isa masiu ko ruuji kadum umara ngam dadungo pat bawde man tumi do stotne be ndema siu ko fudata hatti modde pat hal wona hakuga fudode hatti modde pat wona hakuga dum and numo jamin wona hamada numo jamin wona hamada ruuji jamin pat wona hamada tumi no masa mi yokule jumara wawata ko ne fasit demgal mada ha demgal ma ngam ha wutina wolna ikoy mara ala mi yokule jumara wondu be ma fudo watti modde be ndibido ma isa ma simi toyma amina amen. Seigneur, nous recommandons ce petit acte de témoin. Notre Dieu, tu as fait à ce nous nous venons encore devant toi. C'est une grâce que tu nous as voir. En tant que jour, tu as fait nous trouver à marcher sur votre ciel. Voilà pourquoi le exemple est venu de la partie. Le dernier de nous, tu ne peux pas le fabriquer, mais là, tu es en là. Nous avons tout à fait les témoins de nous, comme la dépense de nos Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà donc, nous nous remettons dans ce petit temps de témoin. Dernier Dieu, que tu nous conduis, qui nous dirige, garde-nous toujours notre Dieu, afin que vraiment nos cœurs soient toujours ouverts à ta parole. Notre Dieu, vraiment, ouvre nos oreilles éternelles spirituelles, afin que nous écoutons donc vraiment cette grâce encore ce soir. Grand Dieu, nous te cédons dans la paix de place. Conduis nos dirigeants. Au nom de Jésus-Christ, nous l'avons fini. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chanter ensemble. Et nous. Je vais nous aider, je vais t'aider à supporter. À supporter. Souffrant dans ta santé, la solution à tes problèmes, Jésus peut te donner, Dieu peut t'aider. Personne pour te sauver, la solution à tes problèmes, Jésus peut te sauver, Dieu veut t'aider, Dieu veut t'aider, à tout supporter. Bonsoir. Ah, le traducteur est là, c'est bon. Saluons-nous les uns les autres. Veuillez vous saluer les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir les femmes. Comment on dit bonsoir en Foufoubé? Kirtijam. Kirtijam. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là-bas qui non. Le jeûne ne vous fatigue pas trop, non? Non. Vous avez remarqué qu'au fur et à mesure, même vous avez la sueur sur vous, qui vous fait transpirer. Mais si vous restez dans la repentance, vous allez voir de bonnes choses à l'issue d'islam. Bienvenue encore ce soir. Mais si vous voulez enregistrer, souvenez-vous, mettez votre téléphone ici. Je crois qu'il faut que je porte la table là pour mettre ici. Cette table là, vous mettez, si vous voulez enregistrer, mettez votre téléphone. Là. Comme ça va enregistrer. Avant qu'on ne continue ce soir, j'aimerais dire une, deux ou trois choses concernant votre village. Je veux rendre toute votre attention. Il y a un esprit qui circule dans votre village. C'est cette chose qui fait tomber les enfants, l'épilepsie. Si vous avez remarqué, que c'est récurrent dans votre zone, n'est-ce pas? Vérifiez que votre téléphone que vous avez mis là, c'est fermé pour que ça ne sonne pas. Vous me suivez, n'est-ce pas? Non. Je suis en train de parler ici parce que on en est de parler de repentance. Je vais vous donner une direction, non seulement pour vous ici, mais pour votre village. Avez-vous remarqué des périodes ici où les enfants tombent en série? Et dans votre village ici? Ça c'est fort, n'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire que les enfants tombent en série bizarrement, ça les assale. Voilà. Donc, vos ancêtres, y compris vous et certaines personnes qui sont encore vivantes, utilisent des fétiches pour les cultures. Pour les protections des troupeaux. Me suivez. Donc les gens utilisent des esprits. Ça, on va vous appeler ça fétiche, mais ce sont les esprits. Pour la protection. Les cultures. Les troupeaux. Pour veiller sur les troupeaux. Pour veiller, pour féticher les cultures. C'est-à-dire, Voilà. Comment? Culture, ce n'est pas ça. Culture, c'est-à-dire que vous plantez des choses. Ah. Quand vous avez planté, pour empêcher les gens de venir prendre, on met des choses là-bas. C'est ça. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Non, pas moi. Ces choses, ce sont les démons qui sont traités contre vos enfants. Donc, ce sont les esprits qu'on a, vous avez invités dans votre propre terre. C'est ça qui dérange les enfants comme ça. Alors, vous tous, vous êtes coupables de ces esprits-ci. Qu'est-ce qu'ils feront faire? Donc, pendant que vous serez en train de faire les repentances, demandez pardon au Seigneur pour cet acte-là. Et que le Seigneur nettoie ça dans votre zone. Sinon, ces esprits vont commencer à réclamer les grandes personnes. En commençant par votre chef. Donc si vous ne vous repentez pas, dès que vous entendez que votre chef est mort, ça va commencer une série sur les gens. Donc faites attention. Il faut la repentance. C'est ça qui amène ces gens qui tombent. Et les choses tombent là. Si vous allez à l'hôpital, ça ne servira à rien. Ce sont les esprits. Parce que ces esprits-là prennent les enfants facilement. Les enfants entrent partout. Malgré les interdictions. Ils prennent des choses qui appartiennent à ces esprits-là. Et ça les frappe. D'autres traversent tout simplement les endroits où ils sont. Et ça les prend. Et vous voyez que vous, de l'église, vous avez besoin d'être fort, n'est-ce pas? Même si vous amenez ces enfants chez le marabout, ils font n'importe comment. Par la suite, ils vont tomber encore. Donc il faut la repentance. La repentance, j'ai dit. Si vous ne vous repentez pas et que le Seigneur chasse cet esprit-ci dans votre terre, ça va réclamer les grandes personnes en commençant par votre chef. Quand vous entendez qu'il est tombé, il y aura une série de personnes que ça va prendre. Donc, il faut prier pendant que vous allez répandre. Il dit quand je vais partir, passez même 3 mois au niveau de la repentance. Toutes ces choses de tradition, de sorcellerie, de maraboutisme que vous avez amené dans votre culture, demandez pardon à Dieu pour cela et séparez-vous. Il y a même des femmes là qui ont des choses qu'on leur a données, elles attachent. Et ce sont des choses issus de nos cultures, des esprits. Et puis vous tenez là, vous invoquez le nom du Seigneur Jésus. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous me suivez là, les femmes? Vous entendez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Donc il faut la repentance pour ce peuple-ci par rapport aux esprits là qu'on a en marge. Ce n'est pas, la Bible déclare que si le Seigneur ne protège, celui qui protège, protège en vain. On ne doit pas prendre un esprit pour protéger la maison. Pour protéger la culture. C'est Dieu qui fait sortir cette culture-là dans le monde. Vous comprenez? C'est comme la guerre de Boko Haram qui est dans votre zone. Vous priez pour les militaires. Je parle parce qu'il y a les militaires là. Parmi nous. La guerre qui se passe là-bas, les militaires eux-mêmes sont dans la sorcellerie. Ils utilisent des esprits pour se protéger des balles. Chacun va dans sa famille, dans des villages. Ils partent voir les sorciers. On fait des scarifications. On leur donne le remède. Pour que s'ils vont en combat, ils disparaissent. Ils deviennent invisibles. Ou bien qu'on tire sur eux. Ça ne les atteint pas. L'armée est infestée dans de la sorcellerie. Le Seigneur dénonce l'armée du Cameroun. Ils utilisent la sorcellerie dans l'armée. Donc maintenant les gens sont dans les sectes dans l'armée. La sorcellerie dans l'armée. À cause de la guerre. Parce que ceux qui sont chez le Boko Haram, c'est la même chose qu'ils utilisent. La sorcellerie. On ne peut pas utiliser ça et marcher comme ça. Et c'est dans votre zone. Vous voyez qu'il faut la repentance. vous voyez qu'il faut la repentance, n'est-ce pas, frère? Là, il y a un tout, non? S'il y avait du temps, il devait parler de Boko Haram avec l'armée. C'est que j'ai parlé, comment on les a arrêtés. Vous avez suivi une fois, on les a arrêtés, plus de 250. Les militaires qui sont là, ils savent de quoi ils sont. Le secret qu'on leur avait donné pour qu'ils les attrapent. Quand c'était arrivé, j'ai appelé le colonel de Garoua. Il est venu à Douala. Je lui ai donné les signes. Comment on fait pour les repérer? Les rentrés ont arrêté au moins 300 d'entre eux. Mais je ne peux pas dire ces signes-là. Parce que c'est un secret militaire. Mais maintenant ils utilisent le même style des armes comme eux. Les protections démoniaques. Je dis cela parce que c'est ça que les villages utilisent. On adore des esprits dans les villages. Comment on peut utiliser un esprit qui protège une culture? Vous plantez le millet ou le sorgho. On met un fétiche au milieu. Cette fétiche là, vous voyez que ce sont les instruments. Mais ce sont les esprits qui sont attachés. Ça infeste la personne qui vient prendre un peu de sorgho. Maintenant, si les enfants ont faim, il prend un peu. Il est infesté de l'esprit. À cause d'une plante, vous tuez les enfants d'autrui. Est-ce que c'est normal? C'est Dieu qui donne cette culture-là, n'est-ce pas? Donc, il faut la repentance ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinons nos têtes, donc prions. Entora. Tendre Père, nous te remercions. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous réunir aujourd'hui en ton nom. Père de gloire, nous nous abandonnons entre tes mains afin que tu nous dises ce que tu veux pour aujourd'hui. Je prie au Dieu de gloire que tu nous donnes de tenir ferme dans les instructions que tu nous donnes. Seigneur, d'avoir le regard fixé sur toi, toi seul qui es le chef et le consommateur de notre foi. De ne pas tourner à gauche ni à droite dans autre direction, mais d'avoir le regard sur celui-là qui est mort et ressuscité pour nous. Celui-là qui nous attend dans les cieux, Père de gloire. Donne-nous de vivre dans la sainteté, dans la sanctification et d'une manière irréprochable durant ce moment d'heure de ténèbres. Je prie pour ce peuple, ô Dieu, que ta parole que tu donnes ici puisse demeurer dans leur cœur. Je prie, Père de gloire, que ce vent de souffle, ce souffle qui va venir pour souffler et diviser, qui te leur donne de tenir. Je prie que tu leur donnes d'avoir un amour sincère entre les uns et les autres. Qu'il soit ardemment Père de gloire dans la fraternité. Je prie qu'il s'aime Père de gloire malgré toute division. Qu'il tienne ferme dans l'unité. Qu'il tienne ferme dans cette espérance et dans la foi que tu leur as accordée. Je prie au Père de gloire que tu donnes à ceux-ci de ne point se diviser. Mais de tenir tous un même langage, d'être animés d'un même esprit pour te servir avec un esprit nouveau. Je prie Père que tu les bénisses, que tu bénisses leur maison. Bénisse cette assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Je suis à votre service donc. Hier on a prié. Mais il y avait une fille ici hier dont je parlais qu'il fallait qu'elle parle de confession. Je ne sais pas si les anciens ont pris ça en considération. Vous vous souvenez une fille, la fille qui était ici, qui avait son serpent. Elle est où? C'est toi ici, toi? Non, c'est celle-ci. Lequel? Celle-ci qui est au milieu. Quelle c'est en jaune? C'était toi qui étais ici. Mais elle a changé là maintenant. Vous avez causé avec elle? Vous n'avez pas encore causé? Vous avez causé avec elle? Qu'est-ce qu'elle en est-il ressorti, papa? Bon. On parle en privé. On parle en privé. Un instant. Elle avait vu le marabout, elle avait un maraboutage. Oui. Bon, on lui a donné le remède. Oui. On dit qu'il faut qu'elle chauffe l'eau. Bon, vous êtes baigné. Elle s'est baignée avec ça. C'est ça. Mais elle, comment ça, vient à l'église ici, vous ne savez pas cela? Bon, on ne savait pas. Ok, gloire à Dieu, d'accord. Mais je crois que c'est toi qui vas rendre compte ça aux anciens là-bas. Pour qu'ils savent de quoi les questions. Parce que j'ai dit hier qu'il fallait qu'ils confessent avant de quitter. Alors, beaucoup de problèmes. Merci beaucoup. Donc, l'un des anciens va faire état de cela, de ce qui s'est passé là-bas. À vous autres. Donc, ne fais plus ça, d'accord? D'accord, c'est compris, d'accord? Ne fais plus. Sur ton âge, tu n'as pas fait cela. Donc, que Dieu vous bénisse. Maintenant, y a-t-il des témoignages, des choses où nous avons prié, des gens ont-ils des témoignages avant qu'on avance? Il y avait dit qu'il fallait qu'il parle spécifiquement aux femmes. Si les femmes veulent, on va parler spécifiquement pour eux. Mais avant, ils prennent des questions. Si quelqu'un a des témoignages à donner, vous venez. Comme l'autre jour. Vous comprenez? Si vous avez des témoignages à donner, vous venez donner. Et on avance. Là-bas derrière, vous m'entendez là-bas, n'est-ce pas? On n'a pas de si vous n'avez pas de témoignage, il passe rapidement aux questions. Elle veut parler exactement de ce qui s'est passé hier dans sa vie. Ce qu'il avait dit hier, ce que vous avez dit hier, c'était exactement ce qui s'est passé. Parce que à chaque fois, je rêve avec le serpent. Et ce serpent est jaune. Quand dans le rêve je vois le serpent, je dis à ma maman et je dis à nos voisins aussi. Et les voisins me disent que c'est la sorcellerie. J'avais aussi rêvé que le serpent m'a mordu ici au niveau de la main. Le matin quand je me suis réveillé, j'ai trouvé que la place avait déjà, y avait déjà eu une inflation. Oui. C'est là où la place voilà, la cicatrice. Après cette blessure là maintenant, ça ne s'est guérissait pas. Ça a duré. C'est banni. Et on m'a aidé dans la prière. Et hier, pendant qu'on était ici, c'est-à-dire qu'avant-hier, elle avait encore rêvé avec ce serpent. Et ce serpent était encore venu dans mes rêves. C'est un serpent qui est tellement long et géant aussi. Non, qu'elle ne bouge pas, merci. Et quand on a commencé la prière, qu'est-ce qui s'est passé dans son ventre? Demande-lui. Et que ça bougeait à l'intérieur. Ça bougeait à l'intérieur. Et après la prière? Lorsqu'elle pose sa main comme ça, ça pousse elle sa main. Sent que ça pousse. Et après la prière maintenant, comment elle a dormi? Elle dit que hier, quand elle est rentrée, quand elle dormait, rien ne s'est passé. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Qui d'autre? Ah, tu veux parler, ma soeur? Viens. Les femmes, si vous avez vos questions maintenant, posez toutes les questions, d'accord? Robert, ton mari aime des caritas qui t'aime les mots. Si vous avez des questions. Ton mari aime des. Bonsoir. Et pour elle, hier, quand elle était ici devant. Ah, c'est celle qui était ici devant. J'avoue que je vous connais pas. J'ai l'impression que vous tous vous ressemblez. Donc celle-ci, c'est celle qui était ici devant, ici, oui, de ce côté-ci, oui. Quand elle était ici, elle ressentait comme si on versait les braises sur elle. Ça chauffait. Et son corps chauffait. Et quand vous m'avez dit que ça va, maintenant il faut que je me relève. Et elle a ressenti au niveau de ses pieds là comme si on avait versé de la glace. Cette fraîcheur. Et sur ce champ même j'ai eu une libération. Amen. Que Dieu te bénisse. Marcher dans la liberté et garder cette liberté là. D'accord? Des témoignages, venez. Souvenez-vous que j'ai dit hier que même si on vous a touché, vous n'avez pas ressenti quelque chose. Quelque chose se produit en vous. Bonsoir, ma soeur. C'est ça, c'est qui? Pour moi, hier, si j'étais ici, quand j'étais ici, quand on a commencé à prier, elle ne savait pas ce qui l'arrivait. Elle était en train de pleurer seulement, elle ne savait pas ça se passait comment. Et quand je suis ici, quand elle priait, Et quand elle touchait, ça dit que c'est quelque chose qui c'était comme lorsqu'il a tenu, qu'il avait pris au cou. Et elle a ressenti au niveau de ses pieds et sa main, ça s'est séché seulement. Elle ne savait pas ce qui s'est passé. Et dans cette maladie, et quand j'allais à l'hôpital, partout avec les méthodes de guérison, elle ne ressentait rien. Je suis allé prendre certains remèdes chez les marabouts au marché. Et l'homme chez qui je suis allé prendre les remèdes, il m'a dit que bon, il faut que tu partes chercher la graisse du varan. Et avec 5000 tu brûles. Et lorsque tu vas brûler maintenant la sangle, tu vas toucher, tu vas frotter maintenant au lieu là où ça te fait mal. J'ai cherché maintenant la graisse du varan. J'ai encore réfléchi, dit que mais quand il me demande encore l'os là, c'est l'os d'un individu ou bien c'est comment, je ne prends pas. J'ai seulement laissé. Et j'ai seulement dit que bon, c'est Dieu seul qui pourra faire mieux. Et hier, comme quand je suis rentré, j'ai ressenti encore cette douleur là au niveau de mes côtes et puis au niveau de mon cou. Elle s'est demandé donc, c'est peut-être il y a quelque chose encore dans son cœur qu'elle ne s'est pas répandu ou bien elle n'a pas pardonné. Voilà. Il y avait une histoire qui s'est passée entre moi avec une femme dont ils se sont chamaillés entre elles jusqu'à ce que son fils allait en prison et elle, il n'y avait pas de conversation entre elles jusqu'à ce que son fils allait en prison et rentré. Et le jour, il fut un temps que la femme était tombée, cette femme-là était tombée malade, je suis allé lui rendre visite. Quand je lui saluais, elle a refusé. Et la femme l'a dit maintenant que bon, quand elle est malade comme ça, tu es venu me parler comme ça, si j'avais la force, on devait bagarrer. Pourquoi est-ce que tu es venu me saluer? Je n'aime pas tes salutations. Elle a réfléchi donc à ce moment que bon, c'est peut-être ça, peut-être la femme la lui a tenu aussi à cœur. Bon, pour elle, quand elle a assisté dans son cœur et demandé pardon. Et pour elle, quand elle ne retient pas cette femme à cœur, que Dieu la pardonne. Amen. Donc on va la voir après la prière. D'accord. Ah, on tourne car une faute en fin. Des témoignages. C'est d'un coup. En temps, préparez vos questions si vous avez des questions. D'accord, mes frères. Bonsoir. Et pour elle, je suis sorti d'abord dehors. J'avais besoin de rentrer. Je devais rentrer pour aller voir mes enfants. Quand je suis arrivé au niveau de la rue de l'avant, quelque chose me dit à cœur que tu pars comme ça, tu n'as même pas fini avec ce qui est ici. Je suis revenu. Et quand je suis revenu, je trouvais que les gens étaient dans la prière. Quand les gens priaient, je suis aussi entré. Et quand je suis entré comme ça, j'ai ressenti en moi cette fraîcheur. Ça m'a donné la chair de poule, je me suis mis à genoux. Quand je priais, je ressentais sur mon corps comme si c'était un fardeau. Et quand le frère s'est approché de moi pour dire que bon, il faut prier. Quand je continuais à prier, ainsi dans la prière, et la chose venait comme si ça devait arrêter ma respiration. C'est ce dont on le suivait là-bas, hier, ici au milieu. Et comme ça a voulu bloquer ma respiration, je me suis aussi resté tamponné un peu. Et par la suite, maintenant, quand je priais, c'était en larmes. J'ai ressenti que chose est sorti de moi et je me suis ressenti maintenant libéré. Auparavant, elle ne dormait pas, mais cette nuit-ci-là, elle a dormi jusqu'à ce que son mari lui a réveillé à partir de 8 heures. Applaudissons pour le Seigneur. Hello. Mon mari était là, à la maison, il est venu chez les frères ici. Et j'avais fait mon atron. Et quand je préparais cela au feu, je ressentais cela que j'avais besoin de l'eau. Je suis allé me coucher. Quand je me suis couché comme ça, là, c'est encore le sommeil. Je me suis senti. Amen. Applaudissements. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allah barki non. Si vous avez des témoignages, venez. Ton nom est Sedam Kongara. Le temps qu'on attend d'autres personnes. Je crois qu'il y a même des jeunes enfants qui sont allés à l'école, ils sont rentrés là. Oui. Venez tous deux une fois. Venez tous deux. Oui, venez. Oui, voilà, que ça soit touche proche là, oui. Bonsoir. Salut, Pasteur Régis. Moi, je vais témoigner. Elle parle en riant directement. C'est celle qui avait dit que son ventre dit quoi là? Oui. J'étais assise là. C'est même depuis vendredi que les frères sont arrivés. Là, tiens des jumbar ma derrière. Vous savez, dans notre famille, nous sommes là, on est la famille qui produit beaucoup. Donc nous sommes fécants. Et du coup, quand les amène comme là, tu me dis riman jour mais dernier. Lorsque j'ai accouché ma petite la dernière là. Y a qu'un homme d'ingé là, j'ai tout à fait là. La femme qui tourne le dos là. Oui, de bon, j'ai l'eau qui borde. Oui, de manant en rêve. Je ne pouvais pas mentir. De me foutre un homme froid. Et c'était ça. C'était comme si les ventres, les veines là sont en train de. Avec des bagarres, je ne sais pas. Au lard, faire un homme de rêve. Donc, j'aimerais témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Je dis, monsieur, d'accord, de quoi là. Je sentais mal au bavant. Gamunda, laissez-le dans mon nom. Je faisais des gestes pourris là. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, on dit à la rome, on dit à la boue, à moi, on dit à la kilo. Gamunda, on dit Bon, moi je pensais que depuis que je suis petite, j'ai le mal de bas avant. Mais nous, nous avons dit que Peter a dit que Marie a laissé Jaburon. Non, mais nous, voyons, bah, Kaïma. Je vois aujourd'hui là. Je suis rentré là. D'accord, vous, tu es Kenya. Il n'y a plus que. Applaudissements. Donc, il n'y a plus que croc-croc, non? Non. Vous voyez, lorsqu'on a de prier, il y a d'autres personnes, je sais que peut-être pour ça, c'est une surprise. Mais vous allez vous habituer à l'Esprit de Dieu. Parce que vous êtes certainement dans les milieux où vous ne voyez pas certaines choses se passer. C'est pour ça que hier j'ai dit que ouvrez vos yeux. Parce qu'une fois que tu fermes tes yeux, quelque chose te racle, tu dis que c'est quelqu'un qui t'a poussé. Maintenant, on est dans la prière. Et depuis, vous avez le désir de prier. On dit aujourd'hui c'est le moment de prier. Quelqu'un est dans la salle de prière. Il pense à quelque chose à la maison. Il pense à autre chose. Alors que c'est le moment de prier. Et puis il est temps de causer avec quelqu'un ici. Je vois quelque chose se déplacer sur elle. Et pourtant elle a de faire autre chose. On est dans la prière. Puis je dis que toi, cette dame qui est debout là, où est-ce que tu peux, alors qu'il y a quelque chose dans ton ventre? C'est comme il y a une autre qui était ici là avec le foulard orange. Il me tourne vers elle. C'est la même chose se positionne sur elle. Ce qui allait sur elle pour la localiser se positionner sur elle. Je dis que toi qui as le truc orange, il y a quoi dans ton ventre? Elle se tourne pour regarder la personne qui a le plus grand. Alors que c'est à elle qui s'en est de parler. Le Seigneur nous aime. Amen. Il connaît votre, de façon spécifique votre problème. Il y a un jeune garçon qui était assis ici. Il est où? Celui qui tapait le tam-tam là. On est en train de témoigner ici. Il est en train de prier. Le Saint-Esprit dit qu'il y a les bagarres en lui. Vous êtes plus de 150. Mais il vous connaît individuellement. Même le passé qui traverse vos cœurs, il connaît. Oh, il était là comme ça assis. Mais il y a la bagarre en lui. Mais personne ne peut pas regarder l'intérieur de quelqu'un. Le Saint-Esprit dit, lève-toi, parle. À l'intérieur, il y a la bagarre. Il se tient là, il dit que tout à l'heure, avant que tu te lèves, il y a beaucoup de bagarre dans ton corps. Comment un être humain peut connaître cela? Comment? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour vous, les familles, certains parmi vous que je vais encore prier pour vous, c'est pas fini. D'accord? Il y a certains parmi vous, je vais venir vers vous. Viens ma soeur, viens. Bonsoir. Et pour elle, elle est en train seulement de demander, elle supplie. Et depuis avant-hier, elle a besoin de parler, mais elle ne veut pas parler, mais elle ressent dans son cœur ce fardeau. Parce qu'il y a des choses que je fais dans ma vie, en réalité, on devait me dire que bon, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Lorsque je fais la chose et puis par la suite, maintenant, j'aperçois que non, ce que j'avais fait, ce n'était pas bien, ça me donne beaucoup à cœur de pleurer. Ce que je vais demander maintenant, là où nous sommes tous, elle demande maintenant à tous les bien-aimés, si quelqu'un parmi vous voit que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien, interpellez-moi rapidement avant qu'elle me rappelle. Parce qu'une fois qu'elle me rappelle la chose, donc si j'avais déjà fait que c'est mauvais, ça me donne beaucoup de chagrin. Aussi, et je vois quelqu'un dans l'affliction, je n'ai pas aussi souhaité l'affliction. Peut-être c'est une maladie. Quand on te laisse dans la maladie, et pour que quelqu'un parte visiter ou bien les bien-aimés partent visiter, tu sois entre les mains. Et selon ma façon de voir, je trouve que la personne se retrouve seule dans son affliction, on l'abandonne là-bas. Et je pense donc, s'il arrive aussi à un bien-aimé cette affliction, ou bien à moi-même, si quelqu'un ne te soutient pas, cela me donne beaucoup aussi à réfléchir par rapport à ça. J'ai beaucoup de soucis. C'est ce qui est dans mon cœur beaucoup plus, c'est que si je pose un acte qui n'est pas bien et que je ne reconnais pas que c'est un mauvais acte et que les autres aperçoivent cela, il faut qu'on m'interpelle rapidement. Et parce que moi, personnellement, dans mon voyage, c'est moi seul qui est là, mon mari n'est pas avec moi. Bon, c'est sur les bien-aimés et les anciens que je mets beaucoup plus d'espoir pour qu'ils me renforcent. Et pour le moment, je me retrouve comme si je suis seul. J'ai beaucoup ce fardeau dans mon cœur, j'ai besoin de l'aide. Amen. Donc, prenez en considération, oui, mon frère, viens. prenez en considération ce que cette sœur de dit, d'accord? Soutenez-vous les uns les autres. Oui, mon frère. C'est toi qui avais le grand droit de ce côté-ci, rien. Voilà. Bon, lorsque le frère Junior avait annoncé la période pour... Jeune. Il y a quand même des gens qui ont voix à voir qu'ils tournent donc. Il était sous traitement. Mais donc nos cadres jouent d'inga, mais donc voix à l'équipement à l'équino. Parce que depuis le jeu, le ventre l'a fait mal. T'as qu'à pas les dire, les gens doutent nos cadres bérés dans le naouami. Je me suis demandé comment ils devaient arrêter le traitement. Mais j'aime tout nous voir, mais quand nos cadres me donnent à mon goût l'équipe, n'a pas su me go. Je finis par arrêter, je dis bon, je dois me guérir. Mais d'arnan, mais oui, je t'accompagne d'arnan, d'arnan banning, comme je me rends dit. Quand nous disions de mettre la main, ça fait mal. Il y a quand même vu qu'il y a quand même pas du ina jungu haunde na wata ha pele na wata mo de par la je voulais pas mettre et arno man tan kadim yidano jo ina lorsque elle dit de mettre pendant longtemps ya kene wi kadi jo in jungu man de redouma mi ma mangi si jo in jungu de redouma et au moment où nous sommes les guéris je n'ai plus repris à le traitement et ya ken gon jotado kam hun de man timmi ma mo waile ki fay applaudissons pour le Seigneur. Amen. Sois béni mon frère. Des témoignages. C'est d'un coup. Viens mon cher, viens. Bon, pour moi, c'est... Je suis dérangé dans mon cœur. Je m'en coquard au Romari Sacler de Bernamako. Bon, j'ai acheté un appareil Android. Au sort, il y a des téléphones qui ont un Android en Gatalo. Bon, un jeune est venu vers moi, il m'a dit qu'il a fait l'accident avec la moto. Et dès que je fais voir, il y a un cas de dos, il y a une moto, non? Bon, il m'a montré sa plaie. Au fond, il y a un cas de naonere ma kanbo, kuduroma. Bon, il a dit qu'il a son appareil, peut-être que je vais acheter ça. Oui, il y a un cas de téléphone ma kanbo, ma soda, non? Bon, il a fait sortir son appareil, là, c'est l'afficheur et le tactile et oui. Il y a un téléphone qui a dit que c'était un téléphone qui a. Donc, je lui ai dit qu'il faut qu'on parte chez un call boxer comme ça pour aller tester. Oui, il a dit qu'il y a un téléphone qui a dit que c'était un téléphone qui a dit. Donc, on a testé l'appareil. Il a dit. Bon, je lui ai dit, bon, comme c'est ton appareil là, montre-moi comment on peut faire mettre la puce. Oui, quand il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, lui-même, il ne savait pas. Quand il est en. Donc, l'esprit me parlait que l'appareil, peut-être, il a volé ça. Et vous, vous avez dit que le téléphone est en train de se. Bon, il m'a convaincu en disant que bon, il a fait l'accident. Bon, il m'a montré la plaie. La plaie, là, c'était grave. Pour dire que vous avez dit que le téléphone est en train de se faire. Donc, j'ai acheté, je lui ai dit que bon, cet appareil-là, je ne peux pas acheter ça. Et avec un grand prix de l'argent. Oui, quand il sera là, quand il monte, il est bêté de l'ouvrir. Bon, il m'a dit que je lui donne 2000. Oui, au Cambodge, dit. Comme j'avais soif de cet appareil. 2000, nous marie hâte. Tu avais soif de l'appareil. L'appareil. On a soif de l'eau. Tu as soif de l'appareil Android. Quand il marie, donc quand il dit, j'aime encore marie, donc quand il téléphone. Donc j'ai acheté ça, ça est là avec moi. Sors donc quand on veut marquer ta fou. Depuis ces jours-là, je n'avais pas la paix dans mon cœur. Et d'agayan ne manque pas salaman waran de l'unako. Même hier quand on parlait là, j'avais guère dans mon cœur là. Y a que le roi qui a marqué le hundan, on connu man under berne mako. La voix me parlait que n'est-ce pas tu as demandé pardon sur ça. Et Hunde Ruyam Kadina n'a tout vu demain. Et l'autre voix me dit que bon, il faut parler sur ça. Et Hunde Ferruyam Bowolu demain. Donc je me suis maîtrisé là seulement. C'est comme si j'ai fait l'hypocrisie. Mbanamwa dit ça à Talverne. Bon, les deux. Il est Bolman. Et ma femme. Des bois. Je l'ai permis de faire la planning. Mais ok, là on a de bonnes cadeaux. Le planning familial. Mais le planning familial. Ok, aux femmes on a dit aïe nous gohore ma kohala dans le bico. Donc nous formons à l'hôpital. Si quelqu'un veut se reposer un peu, faut qu'il fait. Gambe jangi na mhape ha ha l'hôpital kadi to godo idi siuta seda tamo ha dango kadi ndano nhuata. Je l'a permis de prendre c'est un comprimé. Mi hok kumola ol kadi ngam omoda le kuje juma lekiman. De ça l'esprit me dit encore que c'est non ce n'est pas bon. Et hunde ruya mta ni mola. Que le planning familial n'est pas bon, ce que vous faites n'est pas bon, n'est-ce pas? Je crois qu'il va falloir qu'on parle parce qu'il entend toujours planning familial depuis ici là. Amno na hunda ha wola ndo. On parle de ça tout à l'heure. Bon yota doman. Donc ces choses là vraiment ne me laisse pas dans la paix. Donc, Depuis qu'on a commencé la prière là, j'étais troublé là comme ça. Ya, daga en fuu itoren do karim un de saklere banitan. C'est comme ça ma répandance, je demande le Seigneur de me pardonner. Kadi o yidi tubu go bani o re majomara o ya. Ça paraît là et là à la maison. Kadi téléphone on kadona ma kwa sare. Bon maintenant quand tu demandes pardon, le Seigneur t'a pardonné, qu'est-ce que tu as fait de la parole alors comme tu as soif trop de ça là. Nous kadi a watta kadi be hunde man tan téléphone man a rob de man amara. Je lui donne mon cœur que si je peux donner ça à une autre personne ou bien je jette ça. Donc ça veut dire que ce que tu as volé, c'est que quelque chose de volé, tu donnes à une autre personne aussi. Il lui go hunde ko wud hunde wudjarum kadi o ko goddo fere. Le jour on attrape ça avec la personne va te indiquer que c'est lui, c'est toi qui lui a donné. Et ne te benangi goro jakoman bo wiane kai haoro mi sori. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est que le frère qui est gendarme là, quand il va venir, on va te mettre en contact avec lui. Tu vas lui remettre cela avec des charges. D'accord. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui porte plainte que ton appareil est gâté, on lui remet directement. D'accord. Parce que normalement, quand on trouve, soit la personne a volé, soit il a trouvé cet appareil là quelque part. Faut tu vois, il a ramassé. Et maintenant, si tu n'as pas la paix, de rester après ça, que le Saint-Esprit ne veut pas que tu aies. Quand on trouve quelque chose qu'on a volé ou bien qu'on a égaré, on doit remettre aux autorités. Comme ça, si quelqu'un vient déclarer la perte là-bas, on dit oui, on a trouvé ça ici. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut remettre ça aux autorités. Comme ça, si la personne ne se trouve pas, ça reste là-bas chez eux. C'est pour ça qu'il y a les motos abandonnées là-bas. Là-bas, ça, si quelqu'un porte plainte pour peut-être on l'a agressé. Et qu'un jour on fait les recherches, que la personne est morte, on tombe sur toi. Tu vas dire n'importe comment, tu vas aller en prison. Deux fois, remets ça au monde des autorités, d'accord. Donc, quand le frère qui est gendarme là, il est bien placé pour résoudre le problème. Maintenant, concernant le planning familial, on va parler maintenant pour que tout le monde en bénéficie. Et c'est l'une des choses, l'indication qu'elle a dit ici, l'homme intérieur, la paix. Quand la paix est troublée, quand faites quelque chose, sachez que vous n'êtes pas en règle avec le Seigneur. Donc c'est un signal qu'il est dans les salles avec Dieu. La soif du téléphone Android. Donc Dieu lui dit que si il boit le téléphone Android, il ne doit pas se rassasier. Et le planning familial. Que ce qu'il a fait n'est pas bien. Si le Saint-Esprit lui dit que c'est le planning familial que tu as fait là n'est pas bien, ça veut dire qu'il faut qu'on examine ça à la lumière de la parole de Dieu. Merci mon cher. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un veut-il parler? Je suis là seulement pour votre besoin. Si vous avez n'importe quelle question, donc si quelqu'un a des témoignages à donner, venez. Avant qu'on commence. Bienvenue pour ceux qui rentrent du travail, du champ, des écoles et ainsi de suite. Que Dieu vous fasse. Donc après cette séance, si vous pourrez maintenant couper le jeûne, n'est-ce pas? Vous allez le boire la bouillie, boire de l'eau. Vous comprenez mes frères? Mais que le jeûne soit soit une discipline sur vous. Si vous jeûnez constamment, vous ne devez pas glisser dans les bêtises de la chair. Ça va vous discipliner dans les choses de l'esprit. Alors, des personnes encore pour témoignage ou bien on continue. Oui, mon chef, viens. Une question, oui. Tu as écrit les questions? Oui. Ok. Allez. Oui, vas-y. Depuis que j'ai écrit, il y a des choses qu'elle n'est pas demandé. Et pour le moment, je vais demander. Et ma demande est que. Et mon problème est que quand je demande comme ça, j'ai besoin de la réponse sur le champ. Si on renvoie ça, ça me dérange. Oui. Donc tu veux la réponse là. Oui. Ok. C'est que ça fait. Oui. Il demande donc. Il veut maintenant, quand on impose la main à quelqu'un comme ça signifie quoi? C'est ça sa question. Bonne question. C'est la seule? Non, c'est trois. Pose tous les trois. Il demande deuxièmement. La deuxième question est qu'il y a des gens qui imposent les mains, il y a d'autres aussi qui n'imposent pas. Ça signifie quoi encore? Bonne question. On impose sur quelqu'un, sur une autre personne. Oui, justement. Donc on impose sur une personne, on n'impose pas sur une autre personne. Oui, justement. Pourquoi? Troisième question. Et l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de Dieu dépasse encore, ça se dépasse. Ça dit que l'esprit de Dieu. Alors qu'il y a encore quelque chose qui dépasse l'esprit de Dieu. Bon. Non, de qui pose la question bien, tout bien. L'esprit de Dieu est supérieur de l'esprit de Dieu. Ah. Ah. C'est, vous voyez que c'est l'assemblée qui va poser. C'est l'assemblée qui va. Est-ce que l'esprit de Dieu dépasse l'esprit de Dieu? Qui sait expliquer ce qu'il veut dire? Non, peut-être là une question derrière. Qu'il essaie d'expliquer. Essaie d'expliquer ce que tu es en train de la poser. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai compris sa question. Vous pouvez l'aider, vous pouvez l'aider. Je peux l'aider. Oui, veut, hein. L'esprit qui est revenu sur nous là. Oui. Est-ce que ça se passe? Pour l'autre, pour toi. Est-ce que pour moi, de passer sur toi? Ok, c'est la quantité de l'esprit qui est sur toi, peut-être la quantité de l'esprit sur toi, c'est ça? Oui. Voilà, bonne question. Voilà. Donc on va répondre, merci, mais on va répondre d'abord, numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est les trois, non? Voilà. C'est conditionné à ces deux questions posées. Oui, oui. Donc, vous permettez, parce qu'il a dit que si il répond, pose une question, il faut qu'on réponde là. Voilà. Donc, il faut qu'on parle dans la Bible. En fait, il faut qu'on lui montre la doctrine des impositions des mains. Voilà. Donc, ouvrez dans la Bible. Parce qu'il dit que pourquoi on impose les mains aux gens, ça signifie quoi? Vous y êtes? Marc chapitre 16. Marcos Kadi, Sapo et Diego. Notez Marc chapitre 16. Poye Kadi, Marcos Kadi, Sapo et Diego. Ça me dérange quand vous ouvrez seulement la Bible. Parce qu'il fait que vous notez, je donne un autre passage, vous notez. Et puis par la suite, on va lire. Marc chapitre 16, verset 17. Marcos Kadi, Sapo et Diego, Sapo et Diego. Si vous avez noté, je donne un autre encore. Donc, Poye Kadi, Moka, on fait répondre. Luc chapitre 13, Lucas Sapo et Tati. Luc chapitre 13, Lucas Pastro et Sapo et Tati. Verset 10 à 15. Aya Sapo Yango, Sapo et Dieu. Vous y êtes? Acte chapitre 13. Où est-ce que Sapo et Tati? Acte des Apôtres chapitre 13. Où est-ce que Sapo et Tati? Verset 2 à 4. Aya Lili Yango, Nani. On va lire seulement ces passages-là et puis je vais expliquer d'abord depuis la Bible, d'accord? Maintenant, dans Marc chapitre 16, le verset 17 dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeraient les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Donc, d'après ce que la Bible dit là, on peut imposer les mains à quelqu'un pour qu'il reçoive la guérison. Vous avez compris? On continue. Comment? Il dit quoi? Il a demandé, sa première question c'est, quand on met la main sur quelqu'un, qu'est-ce que cela signifie? Je vais te montrer que dans la Bible, on a demandé qu'on mette les mains sur les gens. Et ce que mettre les mains sur les gens signifie. Et ça ne signifie pas la même chose à chaque fois qu'on met la main. C'est pour ça que j'ai pris les trois passages. Avec les trois passages, pour expliquer. Donc dans ce Marc chapitre 16, on dit en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On a dit qu'il impose les mains. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, allons dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, ouvrez. Luc chapitre 13, vous y êtes? Qui va lire? Qui peut nous lire le verset 10 à partir du verset 10 là-dedans? Tu peux lire, mon cher? Oui. Allons-y, lis, allons voir. Suis attentivement maintenant. Alors, Luc chapitre 13. Lucas Sapo Itati. À partir du verset 10. Donc, Aya Sapo Mantor. Luc chapitre 13. À partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues. Le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et wodi debbo onno kadi ruhu donno ha mako don nangi mono o yahatano. Elle était courbée. Onno turi. Et ne pouvait aucunement se redresser. Et ruhu man kadi turni mo kadi ha kadi kanko wata dartugo fayin. Lorsqu'il la vit, yakene yesu yi debbo man, Jésus lui adressa la parole. Yesu wol wani mo. Et lui dit, oui, mo. Femme, debbo, tu es délivrée de ta de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Donc ce que Jésus a dit, lui-même il a fait cela. C'est bien compris. Voilà. Maintenant on va voir une autre façon maintenant, pourquoi on impose les mains. Acte chapitre 13. Donc sentez-vous libre de poser toutes vos questions. Toutes vos questions. Si vous posez une question biblique, les réponses doivent se trouver dans la Bible. Donc je peux vous donner comme ça. Donc, après que vous ayez dit cela, je vais vous donner maintenant des explications bibliques de cela depuis l'Ancien Testament. Le verset 2. Ah, chapitre 13. Attends, je crois que là-bas derrière, non pas encore. Les gens sont déconcentrés là-bas. Il y a une là, on a lu Luc jusqu'à finir, on n'a pas encore trouvé Luc. Luc chapitre 13, verset 10, verset 15. Lucas sapo et tati. Maintenant, on lit Acte chapitre 13. Verset 2 à 4. 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Est-ce qu'ici ils ont imposé les mains pour que quelqu'un reçoive la guérison? Vous voyez qu'il y a une imposition des mains ici, non? Pour laisser que les gens partent là où le Saint-Esprit les a envoyés. Pourtant, dans l'autre cas de Jésus, dans Luc chapitre 13, il était question de guérison. Mais en imposant les mains. Voilà, merci. Maintenant, il peut expliquer tout cela maintenant. Donc, dans la Bible, il y a les impositions des mains ont différentes significations. Selon la charge que Dieu a désignée en cet instant. Si vous lisez le livre de Deutéronome, quand toute votre attention maintenant, dans le livre de Deutéronome, quand le Seigneur a voulu appeler Moïse à lui sur la montagne, il lui a donné l'ordre d'amener Josué, fils de Nun, et de lui imposer les mains. Parce que c'est lui qui va continuer l'œuvre à sa place. Et plus tard, on dit que Josué était rempli de l'Esprit de Dieu parce que Moïse lui avait imposé les mains. À Timothée, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul rappelle à Timothée qu'il ne néglige pas le don qu'il a reçu par l'imposition de ses mains. Vous entendez? Dans Genèse chapitre 47 et 48, il y a l'histoire de Joseph qui veut rencontrer son père Jacob. Jacob avait 147 ans. Et ses yeux ne voyaient plus. Alors Joseph, son fils, est venu avec ses deux enfants, Ephraim et Manassé. Jacob ne voyait plus. Joseph a porté ses deux enfants sur ses genoux. Et Jacob a envoyé les mains pour bénir ses enfants. Il a mis la main gauche sur la tête du plus petit. Sur la tête du plus grand. Et la main droite sur la tête du plus petit. En croisant les mains. Pour montrer que la bénédiction doit quitter du plus grand au plus petit. Mais, mais il a prononcé ces paroles là en imposant les mains. Donc l'imposition des mains peut être fait selon le Saint-Esprit pour octroyer la guérison, pour recommander à une charge, pour communiquer un don spirituel. Dans Actes chapitre 19, le verset 5 et 6 que j'ai cité ici lorsque j'ai parlé du baptême, la Bible déclare que lorsque l'apôtre Paul a rencontré ses disciples qui étaient au nombre d'environ 12, quand il a fini de leur parler de quel baptême avez-vous été baptisé, ils ont dit le baptême de Jean, et il leur a dit Jean a baptisé le baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir, c'est-à-dire au Seigneur Jésus. On dit sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur. Le verset 6 dit, après que Paul lui eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est venu sur eux. L'apôtre Paul lui-même, Ananias était venu par révélation divine. Le Seigneur l'a envoyé d'aller dans une maison et trouver un nommé Saul. Et le Seigneur lui a montré dans la vision que ce nommé Saul prie. Et il a vu en vision quelqu'un qui vient prier pour lui en lui imposant les mains. C'est bien compris, mon cher? Donc il peut passer une heure à parler seulement de l'imposition des mains. Voilà de façon survolée les impositions des mains. Maintenant, ça va déjà, hein? Ce qui m'a poussé à dire ça, oui. Parce que hier il a imposé les mains à d'autres personnes, mais d'autres personnes il n'a pas imposé. Ça c'est le deuxième, ça c'est la deuxième question. Oui. Non, c'est quoi, ça va? Non, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est ça qu'il voulait savoir. Non, c'est pas ça. Il y a trois questions. La première question, il a dit, quand on impose les mains, ça signifie quoi? C'est ça qu'il répondit. Je passe maintenant au deuxième. Pourquoi on impose les mains à une personne et non pas à une autre personne? Maintenant, il faut maintenant qu'on regarde dans la Bible. C'est exactement de quoi il est question. D'abord, Dieu ne fonctionne pas de façon monotone. Vous allez voir dans la Bible des gens qui ont été aveugles. Jésus-Christ fait la boue avec la salive. Il oint sur ses yeux. Il dit, va te laver. Il part se laver, il voit. D'autres personnes qui ont toujours le même mal des yeux, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vais voir. Il dit, que ça soit selon ta foi. Les yeux s'ouvrent. Donc, pour le même mal des yeux, il fait la boue avec sa salive. Il met sur ses yeux. Il met sur ses yeux. Il dit, va te laver dans l'eau. Il faut que celui-ci va jusqu'à ce qu'il se lève dans l'eau, il saute avant que ses yeux s'ouvrent. À un autre, il dit seulement, voit. Donc, il ne fait pas la chose en série. S'il fait, il sait pourquoi il le fait. Ce n'est pas par esprit de jalousie. Qu'il aime une personne, il n'aime pas une autre personne. Et hier, sachant que cette question s'y viendrait, j'ai pris un exemple clairement dans la Bible. Et j'ai cité trois fois là-dessus la piscine de Bethesda. Et je vous ai dit, il y a des malades en grand nombre. Il est passé. Pourtant, il est venu pour guérir. Il est passé au milieu des gens qui avaient besoin de guérison. Parmi une foule de gens, il a guéri une seule personne. Tu vas demander pourquoi il allait guérir une seule personne. Vous allez poser cette question là. Lui-même, de son vivant, il avait dit que sachez que du temps du prophète Élisée, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais c'est seulement Naaman le Syrien qui avait été guéri de la lèpre. Donc il a décidé de guérir un étranger de la lèpre. Les enfants de son propre peuple n'ont jamais guéri quelqu'un. Il y avait du temps du prophète Élie, plusieurs veuves en Israël. Mais Élie a été envoyé seulement chez la veuve de Sarepta. Pourtant, il y avait les veuves en Israël. Dieu veut comme ça révéler sa souveraineté sur les événements. Donc tu me demandes pourquoi j'ai imposé la main ici. Il ne sait pas comment on fait parce que ce n'est pas moi. Ok, si il me tient ici, je dis que cette personne a le serpent. Comment au monde il sait pour savoir quel est le serpent? Il veut que vous me répondez. Comment il sait que cette femme qui se lève là, quelque chose dans le vent qui fait le bruit? Alors qu'ils sont de parler ici. Comment il sait que c'est celle qui a le truc jaune là sur la tête qui a le problème dans le vent? Pourtant, je suis loin ici devant. Pourquoi je n'ai pas parlé à celui qui est devant moi directement et qui n'est pas parlé loin là-bas derrière? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est le Seigneur qui fait comme il veut. Voilà. Dans la foule, dans Marc chapitre 8, on parle d'une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Mais on dit que tout, il y avait une foule qui pressait Jésus. Quand on presse quelqu'un, on le touche. Mais il y a une femme qui est au milieu de la foule, la femme qui avait la perte de sang de 12 ans. Elle se dit en elle, même s'il parvient à le toucher, le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a forcé au milieu des gens. Elle a touché Jésus. À cet instant, le sang s'est arrêté. Et elle savait que quelque chose se passait en elle. Jésus a senti la force sortir de lui. Poum! Il a frémi. Il a dit, qui m'a touché? Même les disciples ont été étonnés. Mais comment tu peux dire qui t'a touché? Parce que tout le monde le touche. Donc vous pouvez toucher Jésus comme ça sans le toucher comme il faut avoir pour la guérison. Vous voyez, quand tu peux venir, oh, j'ai touché Jésus. On ne le touche pas comme ça pour avoir la guérison. Le bras pour avoir quelque chose chez lui, c'est pas la foi. Et cette femme l'avait touché par la foi. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Il dit, qui m'a touché? Parce que tout le monde le touchait. Il dit non. Parce que j'ai connu qu'une force est sortie de moi. C'est notre foi qui tire des choses de Dieu. C'est n'est-ce pas mon frère? Non. Maintenant, troisième question. Donc j'ai répondu à la première question, c'est quoi l'imposition des mains? Deuxième, pourquoi on impose ici et pas à l'autre? Maintenant, la troisième question, est-ce que l'esprit dépend de l'esprit? Est-ce que la qualité de l'esprit que tu as? Voilà. Ouvrons dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens le chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 3. Du verset 3 jusqu'au verset 8. Et la Bible va nous dire ce qu'il en est, d'accord? 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 3 ou verset 8. 3, c'est le frère Sillier qui dit qu'il arrête la Bible et regarde seulement. Il est seulement étonné. Il est encore venu aujourd'hui. Où ta Bible dit là? Que Dieu vous bénisse, d'accord? Là-bas, qui non? Alors, allons-y, mon cher, verset 3. Vous avez trouvé là-bas parce qu'en temps, on a ouvert la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 3 jusqu'au verset 8. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons. Écoutez, parlez vos dons, continuez. Mais le même esprit. Vous entendez, n'est-ce pas? Il y a diversité de dons. Mais le même esprit, pas une quantité. Voyez la différence, n'est-ce pas? C'est pas que quelqu'un dépasse quelqu'un. Ça, c'est le même. Il oui, continue. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Oui. diversité d'opérations. Et quand der coude man boku hala hugo kugalan bo don fere don dudi. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et dum Allah man godel do huwa der ko mon fu. Amen fu bo. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. Et dum ka mon fu kadi do kalru ho kama kadi ngam ha huwa do kautal huna. Pourquoi frère? Pour or, à chacun la manifestation de l'esprit. Oui. Est donné pour l'unité. C'est ce qui est écrit là-bas. Pour l'utilité. L'utilité. Commune. Et quand il hoka dum ha komo fuka di do karuman gam el huwa pat ha unde gotel gam kautal gotel. On peut s'arrêter là-bas, il va commencer. Voilà. Donc quand vous avez la Bible devant vous, lisez ce qui est écrit. Donc on dit à chacun. Oui, ngam komo fu. Quand l'esprit est donné à chacun. Toru hoka ha komo fu kam. Le but pour l'esprit qui est donné à chacun. Ha demande ruman wari. C'est pour l'utiliser, l'utilisation pour tout le monde. Ngam huwa ngam kude amen. Kautal fu gotel. Pas que ton esprit que tu reçois est plus grand que mon esprit que je reçois. Na yibi ko kadi ruhu je a hebi buri ruhu je. C'est le même esprit. Ruman gotel. Mais le problème là c'est que cet esprit là qui que tu reçois. E yibi ko kadi ruhu ka o hebata man. Et que chacun de nous reçoit. Ruman komo fu. A une fonction bien précise dans ta vie. Ruman mari kude kadi ladum den genam komo fu. Vous savez, n'est-ce pas? Et non pas moi. Regardez le verset 13. Là, regarde, ah, ça peut être drôle. Verset 13. Ah, ça peut être. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Et pour former un seul corps. Un seul corps. Donc, vous entendez? Donc tu n'as pas ta part d'esprit où tu t'es baptisé. Nous tous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Maintenant, toi qui m'as posé la question, lève-toi. C'est que le travail que ta main fait dépasse le travail que ton pied fait. Il dit quoi? On ne dépasse pas. Voilà. Maintenant, dis-moi. La partie de ton corps qui fait un travail plus important que l'autre. Il n'y a pas. Bon, non, viens. Voici la Bible que j'ai mise ici. Viens prendre cette Bible-ci. Observez-le pendant qu'il le fait. Vous avez vu, il a fait quoi? Non, Wadi. Il a qu'est-ce qu'il a fait finalement? Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Bible. Maintenant, qui a fait ce travail de prendre la Bible? C'est. Ah, maintenant vous voyez chacun sort sa version. Bon, qui a pris la Bible? C'est la main. Ok, donc la main a fait le travail de prendre. Bon, s'il était là-bas, la main peut prendre. Qui l'a accompagné jusqu'ici? C'est bien. Maintenant, le pied a la portée du pied jusqu'ici, n'est-ce pas? Quand il est arrivé là-bas, est-ce que son pied a pris? C'est la main qui a. Le rôle du pied était quoi? De. Maintenant, avant de marcher, il faut qu'il regarde la rue où il passe. C'est le pied qui regardait. Ça, c'est l'œil, n'est-ce pas? Va t'asseoir, il va expliquer. Alors. Maintenant, dans le travail de prendre la Bible, qui est important? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? C'est comme ça le corps de Christ. C'est comme ça le corps. Personne n'est plus important que personne. Parce que si ta main se vante que c'est moi qui ai pris, le pied va se vanter que c'est moi qui t'ai porté là-bas. L'œil va dire taisez-vous, c'est moi qui ai même vu la Bible. Et si les trois se vantent, la tête qui commande les nerfs va dire si je n'avais pas envoyé mes signaux, ce que je devais arriver, tu ne pouvais pas prendre. Parce que si les nerfs ne commandent pas la main, tu ne peux pas tendre la main là-bas. Quand vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas utiliser votre corps. Donc vous voyez qu'en fin de compte, c'est la tête même qui est même le plus important. Et cette tête-là représente Christ. Donc c'est Jésus qui est le plus important. C'est pour ça que c'est lui qui commande. Et toute la gloire doit lui être donnée. Donc un seul et même esprit fait ces choses. L'aide distribue à chacun en particulier. Comme il le veut. Selon la force qu'il a épatée à chacun. Parce que dans sa grâce, il a voulu que la main sait à prendre. Le pied sait à marcher. L'œil sait à voir. Si vous voulez manger, vous dites que vous êtes fatigué de manger par la bouche. Prenez une nourriture pimentée. Ouvrez vos yeux. Mettez là-bas, vous allez voir. Prenez un peu de piment que vous voulez manger. Une sauce pimentée. Mettez par ici, vous allez voir. Est-ce que vous pouvez manger par la main, par les yeux? Vous pouvez boire l'eau par les oreilles. Voilà. Parce que chaque personne a sa fonction. Si on pouvait donc comprendre cette harmonie-là, alors au milieu de l'église, il ne devait pas avoir les divisions. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 12, il prend ce corps humain aussi pour enseigner le corps de Christ. Et puis il dit verset 18, de ces 1 Corinthiens chapitre 12, que Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Donc la main a le droit d'être ici. Comme Dieu a placé, c'est parfaitement à son place. Si vous voyez quelqu'un qui a sa main qui pousse plutôt sur la tête, même si vous allez au champ, vous voyez cette personne-là, vous allez entrer dans le champ. Parce que c'est pas normal, pas vrai? Parce que la main de quelqu'un doit être ici. Si vous voyez quelqu'un qui marche devant de vous, il vient à vous regarder. Il n'a pas deux yeux. Il a plutôt un grand œil ici. Pas vrai? Vous allez vous tourner et fuir, pas vrai? Parce que ce n'est pas normal. Dieu a positionné chaque membre dans le corps comme il a voulu. De telle enceinte, quand vous voyez votre corps, vous savez tout simplement que chaque chose est parfaitement à sa place. Et chaque chose doit remplir parfaitement son rôle. C'est ainsi du corps de Christ. Par conséquent, moi qui me tiens devant vous, ce qui se passe au milieu de vous, c'est la grâce que Dieu m'a accordée pour mettre au service du corps. Ça ne veut en aucun cas dire je suis supérieur à vous sur quelque point que ce soit. Parce que là où je suis fort, vous êtes faible. Moi, je vous soutiens. Là où je suis faible, vous me soutenez. Pour qu'on soit les uns les autres. Vous comprenez? Quand vous marchez, vous pétillez la peau d'une banane. Vous glissez. Tout le corps vient au secours. La main fait vite pour que le corps n'atteigne pas. Oh, ce n'est pas la main qui a causé. C'est le pied. Supposons maintenant que dans votre corps, chaque membre décide de former sa dénomination. Où est-ce qu'on sera avec votre corps? Je veux que vous compreniez avec cet exemple, c'est pour voir pourquoi les dénominations sont anti-bibliques. Supposons que voici catholique. Voici le protestant. N'est-ce pas? Et voici Pentecôtiste. Voici le témoin de Jéhovah. Prenons seulement ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas. Si un insecte entre dans tes yeux, qui va venir au secours? Il peut enlever lui-même les insectes là. Vous voyez que directement, quand quelque chose entre là dans l'œil, il y a une personne qui intervient rapidement. C'est qui? C'est l'œil. C'est pour cela. Ça veut dire que s'il est ennemi avec la main, l'insecte va faire qu'ils vont se réconcilier. À cet instant où il n'y a plus de discussion de doctrine, tu viens d'abord au secours, tu enlèves d'abord. Parce que si tu n'enlèves pas, ce n'est pas à l'œil que ça crée problème. C'est à tout le corps qui souffre. C'est ce que Dieu a dit dans la Bible, que les membres elles sont les uns les autres. Quand vous voulez vous laver, vous avez l'eau devant vous. Vous êtes habillé. Chaque personne doit faire sa fonction. Voilà l'eau là-bas. Si celui-ci est pentecôtiste, l'autre ici est luthérien. Et le corps est aimé le Jéhovah. Ils disent qu'on ne se collabore pas. Qui va laver qui là-bas? Vous voyez qu'on a des problèmes au milieu de l'église, non? Donc le corps n'est pas divisé. Mais c'est ce que les hommes sont en train de faire. C'est ce que les hommes sont en train de faire. En divisant l'église du Seigneur. Dieu a montré dans notre corps qu'il faut l'unité. On prêche même l'unité avec la bouche. Mais dans les faits, c'est autre chose. On se réunit par hypocrisie. Et puis on ne peut pas mal parler des autres pasteurs. Des autres enfants de Dieu. Et la Bible déclare que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Que tu ne vois pas. Alors que tu n'aimes pas celui que tu vois qui est né de lui. Amen. Tu as compris, mon cher? Donc, il n'y a pas de différence d'esprit. Celui qui enseigne la sainte doctrine, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait. Celui qui donne une révélation, ce n'est pas le même Saint-Esprit qui le fait. Celui qui prophétise, ce n'est pas le même Saint-Esprit qui le fait. Celui qui impose le même malade, malades sont guéris, c'est le même Saint-Esprit qui fait ces choses. Un seul et même esprit fait ces choses-là en opérant selon sa volonté. Amen. Amen. De telle enseigne que celui qui enseigne ne doit pas dire que je suis plus important que toi. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains le chapitre 12. Le chapitre 12. Versets 3 à 8. Romains chapitre 12, versets 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions. Et quand il termine, faut voilà coup de man bo haute gauter. Ainsi, bani man bo. Nous qui sommes plusieurs. Et n'en dien nous deux man. Nous formons un seul corps. Ils ont là type man de gauter bon. Vous avez compris? On nani? Vous avez bien compris ce qu'on a dit non? On nani comme il dit? Donc parce que tout le corps n'a pas les mêmes fonctions. Et quand il coup termine pas voilà coup. Dans le service que la main fait. Coup gangal ko jungo. N'est pas le service que le pied fait. Nado coup gangal ko. C'est ce qu'on a vu dans cet exemple là non? Et donc maintenant. Je t'accompagne. Personne ne doit discuter la place de personne. Voilà, Dungodo, c'est ce que notre corps prophétise. Si vous voyez que quelqu'un commence à marcher avec les mains, c'est qu'il y a un handicap. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a un défaut déjà. Parce que normalement, c'est le pied qui doit marcher. Il dit que nous qui sommes plusieurs, nous formons tous un seul corps. Mais chacun fait sa fonction. Continue, mon frère. Un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Donc en fait, en résumé, on a dit que on a dit à chacun sa place. En résumé, ce qu'on a dit résumé, à chacun sa place. Mais aujourd'hui, au milieu des pasteurs, c'est le désordre total. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui est pasteur. Quelque temps après, il dit qu'il est pasteur évangéliste. Quelque temps après, il devient apôtre. Vous avez vu des choses dans la Bible. C'est le signe qui sont dans l'embrouille. Donc vous voyez quelqu'un qui s'est fait appeler pasteur initialement. Un temps apôtre, il est perdu. Voilà. Je crois que ça peut choquer, mais c'est la vérité. La main ne deviendra jamais le pied un jour. Donc merci vraiment pour ces questions, d'accord? Des questions? Si vous avez des questions, oui mon cher. Oui. Il y a l'appel pour le ministère ou bien nous sommes choisis directement pour le ministère? Voilà, bonne question. Écoutez très attentivement une fois de plus. Ce que la Bible appelle par ministère n'est pas ce qu'on pratique aujourd'hui dans les églises en appelant ça ministère. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses d'abord. Quand la Bible parle de ministère, il veut dire service. Quand les hommes aujourd'hui parlent de ministère, ils voient un bâtiment en un lieu où quelque chose se pratique. Donc pour les hommes, le ministère est en un lieu. Vous pouvez donc voir même une plaque. On dit ministère de la guérison et de délivrance. Ça veut dire que ce bâtiment-ci, à l'intérieur, c'est le ministère de la guérison. C'est anti-biblique. C'est ça, il faut d'abord que cette connaissance-là vous soit donnée. Donc quand on parle du ministère que quelqu'un a reçu, ça veut dire que c'est la tâche qu'il a reçue du Seigneur de faire. C'est ça son ministère. Ça veut dire ce qu'il est appelé à faire. Ce qu'il est appelé à faire est avec lui. Ce n'est pas en un lieu. Quand vous allez à Yaoundé ou bien même au centre de Garouaville, vous allez avoir ministère de l'éducation nationale. Ministère de l'agriculture. Ministère de la justice. Puis on va maintenant écrire délégation de la région du Nord. On dit département de système. Puis on dit arrondissement de ceci. Puis on même dans la localité. C'est-à-dire hiérarchiquement parlant, cela dépend de l'arrondissement. Cela dépend du chef de département. Et le chef de département dépend du chef de la région. Et ces chefs de région là dépendent de celui qui est à Yaoundé. Que ce soit pour l'agriculture, c'est la même chose. Pour la défense, c'est la même chose. Vous avez vu ces principes dans le monde, n'est-ce pas? Ça veut dire que pour que quelqu'un de l'éducation de base prenne une décision, nous sommes dans un arrondissement, n'est-ce pas? Il faut que le départemental donne l'ordre. Et quand on va prendre cette décision, on va envoyer les chronos, les copies des décisions, dans les chronos jusqu'à la hiérarchie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, c'est comme ça que les églises, entre guillemets, sont bâties. Il y a les pasteurs de l'arrondissement. Pasteur départemental, pasteur régional. Au point, on voit un agent de sécurité de la police. On dit que voici le régional. Chez les pasteurs aussi, il y a le régional. Donc celui qui coiffe toute l'arrêt, c'est la sorcellerie, je vous le dis. Parce qu'on a pris les modes du monde, on va appliquer à la vie. Ça ne doit pas se faire. Vous avez saisi, n'est-ce pas? On parle. Dans le ministère, il semble vouloir définir d'abord le titre ministère, le mot ministère, d'abord. Avant qu'on arrive à ta question. C'est ça qui pose problème. D'après ce qu'on a lu dans ce Romains chapitre 12, la même mesure de foi a été donnée pour chacun de nous. Mais nous tous, nous ne sommes pas appelés à faire le même service. Donc chacun a un rôle, mais pas la même chose qu'on doit faire pour le monde. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul pose la question: si tout le corps était formé de la main, où sera l'œil? Si tout le corps était formé du pied, où sera le nez? Donc il y a la place pour le nez, la place pour pour la main, ainsi de suite. Donc le corps n'est pas formé d'un seul membre. C'est l'ensemble des membres qui forment tout le corps. De telle façon que la main seule n'est pas le corps. Et on ne peut pas parler du corps sans la main. Vous voyez, donc la main est un membre du corps. Et le rôle que la main joue, c'est son ministère. C'est son service qui rend. C'est sa fonction. Tu as vu la différence maintenant, n'est-ce pas? Donc la main est appelée à faire quelque chose. Est-ce pas ce que vous comprenez? Tu comprends jusqu'à là, maintenant, mon cher? Donc tout le monde n'est pas. Quand on dit que tu n'es pas appelé au ministère, toi tu n'es pas appelé au ministère. Il croit que le ministère, ça veut dire seulement la prédication. Chacun a un ministère bien particulier. Par exemple, pour les femmes, elles ont beaucoup de ministères dans la Bible. Et dans l'Église, dans Tite chapitre 2, verset 3, jusqu'au verset 5, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni à donner au vin. Où est-ce là, n'est-ce pas? Mais qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Vous voyez, quand on dit qu'elles doivent donner de bonnes instructions, on est en train de lui indiquer son ministère. Maintenant, elle laisse ça maintenant. Là où on lui a interdit le ministère, on dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc l'accès à ce ministère lui a été interdit. D'accord, mon cher? Donc maintenant, ça, c'est le rôle des apôtres, des prophètes, pour vous perfectionner, pour que chacun connaisse sa place. C'est pour cela que les 5 ministères sont donnés. D'après Éphésiens chapitre 4, verset 11, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de leur ministère, dont les apôtres, les évangiles, les prophètes doivent vous enseigner. Jusqu'à ce que vous découvriez ce jusqu'à ce que vous découvriez ce que vous êtes censé faire dans le corps de Christ. Voilà ce qu'il en est. Donc il y a 2 types d'appels. Le premier appel de quitter le monde pour venir vers Dieu. Ça, c'est le premier appel. Là, il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ça, c'est l'appel que l'évangile appelle. Quand tu entends cet appel, tu crois, tu es disciple du Seigneur. Jésus. Maintenant, il faut que tu saches quel est ton appel. Tu as été appelé, tu es venu. Maintenant, le deuxième style d'appel, ça veut dire que le rôle que tu as joué. C'est donc ça qu'on appelle dans ton ministère, ton service. Donc, il ne faut pas confondre ces 2 styles d'appel, d'accord? Tu as bien servi, mon cher. Bien compris. Que Dieu vous bénisse. Si tu as encore des questions, posez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui enseigne que dans l'église comme ça, là, parmi les anciens, le Seigneur peut t'envoyer pour aller travailler, pour aller faire le ministère d'apostolat ou de l'évangéliste. Après, tu reviens, tu t'assois. Et ce que je ne comprends pas, si ce ministère-là, il y a les gens appelés pour ce ministère comme apôtre, comme évangéliste, comme docteur, il y a cet appel ou bien le Seigneur t'envoie pour aller travailler comme un docteur et après, tu reviens, tu t'assois. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, d'accord? Parce que ça veut dire que c'est un peu comme tu disais que on peut prendre n'importe quel médecin pour qu'il ne puisse pas faire l'opération du cerveau. il devient chirurgien du cerveau. Il me demande le cadre, le savent mentawa, le fortical banakadi beho et le docteur Kanga moya ou à Kugal. Et puis il revient encore rester sur place. Non, ce n'est pas cela. Mais dans les dons spirituels, c'est possible. Pour les dons spirituels, ça, c'est que tu as dit possible. Il faut que je vous explique cela bien. Donc, il faut pas confondre les dons spirituels au ministère. Le don spirituel, c'est la capacité divine de manifester les choses surnaturelles venant du Saint-Esprit, les capacités. Alors que le service que tu as, le ministère, c'est le rôle que tu as à jouer. Donc le don spirituel accompagne le ministère. Par exemple, la Bible déclare à Marc, chapitre 16, que nous avons lu. Il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront le même malade seront guéris. Donc, fondamentalement, on voit que tout le monde s'est accessible à tous ceux qui ont cru. Mais si vous lisez 1 Corinthiens 12, du verset 28 au verset 30, Il pose la question, tous sont-ils apôtres? Oui, kadi, pat kadi pukara tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous opèrent-ils des miracles? Tous parlent-ils en langue? C'est une question qui a une seule et même réponse. Vous voyez, il dit ici que ils imposeront aux malades, malades seront guéris. Puis il dit que Dieu a établi dans l'église premièrement. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, ensuite ceux qui ont des guérisons, les dons de guérison, qui opèrent des miracles, de gouverner, toutes les autres choses là. Donc on voit effectivement qu'il y a des dons de guérison, pas la guérison. Des dons de guérison. Donc il y a plusieurs styles de dons de guérison. Tu peux recevoir un don de guérison, celui-ci reçoit un don de guérison. Les dons de guérison sont différents. C'est-à-dire le style de maladie que celui-ci guérit, celui-ci ne peut pas guérir. Et vice versa. Il y aura des pasteurs qui pourront prier pour un malade, malades sont guéris. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pasteur de Dieu. Parce qu'il a une autre charge avec un don spirituel. Donc maintenant, vous voyez effectivement que si quelqu'un impose le même malade, les malades sont guéris. Ça ne veut pas dire automatiquement que son ministère c'est la guérison. C'est pour ça qu'il dit que pour les dons spirituels, c'est possible. Parce que tu peux prier pour un malade. Le malade est guéri. Sans autant que tu aies le don de guérison. C'est-à-dire que tu sois appelé dans le ministère de guérison. Parce que celui qui est appelé à ce ministère-là, c'est son service qu'il fait. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est permanent. Vous savez, n'est-ce pas? C'est un peu comme celui qui a le don des prophéties. Et c'est différent de celui qui a le ministère des prophètes. Celui qui a le ministère des prophètes est différent de celui qui a le don des prophéties. Donc celui qui a le don des prophéties, on n'appelle pas prophète. Parce que pour être prophète, on naît avec. Mais pourtant, le don des prophéties vient avec le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc, pour ce qui est du ministère, que chacun, comme il a dit, que chacun s'attache à son ministère. Amen. Des questions? Oui, prenons l'ancien. Pour cette question, la malade, je n'ai pas bien compris. Oui. Et je voulais que tu expliques ça clairement. Oui. Est-ce qu'il y a deux appels dans le ministère? Dans le ministère, il y a un seul appel. J'ai dit dans la chose de Dieu, il y en a deux. Il faut qu'on soit clair. Oui. Pour que ça reste de tout. Oui. Un frère passé ici, il a dit qu'il n'y a pas deux appels. Il dit qu'il n'y a pas deux appels. Oui. Dans les choses de Dieu. Dieu nous a appelés. Et il y a un ministère. Il a parlé du ministère. Quand Dieu envoie quelqu'un. Selon le ministère selon les dons qui est en lui, il doit faire son ministère. Oui. Il rentre dans son... Comment tu vas rester? Si tu as appelé comme évangéliste. Comme Dieu, maintenant, toi là, tu es venu rentrer au ministère ici. Oui. Après, tu peux rentrer ici. Mais je suis toujours dans mon ministère. Bon, il parle sur les choses qu'on a affecté quelqu'un sur une localité. Oui. Et on cloche. Non, ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. D'accord. Écoutez bien ce qu'il dit tout à l'heure. Merci, merci de préciser cela. Oui, oui. Le cas dit que nous sommes tous appelés. Oui. Nous avons baptisé son Saint-Esprit. Alors, quand on roule, maintenant, il nous donne les tâches. Comme on coule, comme on voit. Bon, si, supposons, nous sommes, il y a des anciens ici. Quand il va là-bas, à la tête d'une assemblée, il va prêcher là-bas, il va prêcher là-bas, il revient dans son assemblée locale. Alors, quand il va prêcher à la tête d'une assemblée pour dire que les pasteurs. Formé. Oui. Bon, je crois que ça veut dire qu'il y a un problème de la hiérarchisation de l'église qu'il faut toucher, ce qui est différent de ce qu'on a de causer là. Selon les dénominations. Oui, oui, selon les dénominations. C'est pour ça que. Il y a qu'il a appelé. Oui. Il parle d'une nouvelle formation. Oui, on va régler ça maintenant. Il faut qu'on règle ça maintenant. Écoutez encore, je l'ai dit, c'est que la Bible dit d'ailleurs. Jésus a dit notre Seigneur, yes, mes brebis entendront ma voix et elles viendront. Cette voix-là retentit par l'évangile. On est chacun d'entre vous, vous avez écouté l'évangile avant de venir, non? C'est pas ça. Avant ça, on est chacun suivi ses propres voix. Quand on te prêche l'évangile, tu viens. Tu as entendu la voix du Maître, tu es venu. Donc il vous a appelé. Des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est le premier volet de l'appel. Maintenant, quand vous êtes dans le cordon maintenant, c'est là où le service commence. C'est là où on parle de l'appel au ministère. L'appel au ministère n'est pas pour ceux qui sont dehors. C'est pour ceux qui sont dedans. Or, pour que vous soyez dedans, on vous a d'abord appelé par l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Il dit que nous savons que vous êtes élus de Dieu. Parce qu'il vous a appelé par l'évangile. Vous comprenez cela? Donc il y a l'appel d'abord de l'évangile qui n'a rien à voir avec le service que tu vas rendre. C'est pour l'appel à se tourner vers Dieu. Quand vous tournez maintenant vers Dieu, vous faites maintenant comme l'apôtre Paul a dit dans Acte 9. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce que tu as à faire, donc, c'est l'appel de ta charge. Voilà le deux volets de l'appel dans la Bible. C'est ça dont j'ai les questions. Mais pour votre truc d'affectation que les dénominations ont posé, vous ne verrez pas de telles choses dans la Bible. Encore que dans la Bible, il n'y a pas le pasteur d'une assemblée. Ça ne se trouve pas. Chaque assemblée locale est gérée de façon autonome par un groupe d'anciens. Ils n'ont personne en dehors de Jésus à leur tête. Donc si quelqu'un vient vous dire, c'est moi qui ai fondé cette assemblée, je suis à votre tête, c'est un sorcier. Il n'y a personne. Vous connaissez ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas quelqu'un qui est à tête. Il n'y a pas deux têtes. Si vous avez le frère qui parle, il a deux têtes. C'est pas possible, pas vrai? C'est une seule tête qui donne le commandement. Tous les autres sont en bas. Donc, c'est un groupe d'anciens qui dirigent l'assemblée. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 22 et 23, vous lisez Tite, chapitre 1, verset 5, il y en a plein. Vous allez voir comment l'apôtre Paul, la Bible déclare dans Actes chapitre 14 pour nous pour cela. Il dit qu'il passait de ville en ville, fortifiait l'esprit des disciples, et les exhortant en disant qu'on sache que ce n'est pas plusieurs tribulations qu'on entrait dans le royaume. Et on dit qu'il fut élu. Il fait élire dans toutes les assemblées les anciens de l'église. Après avoir prié et jeûné pour eux, il les imposait les mains et partait. Leur rôle était terminé. C'est pour ça que dans Acte chapitre 20, à partir du verset 17, il va rester dans une ville qu'on appelle Milet. Il va envoyer appeler ces anciens-là. La Bible dit de façon spécifique que ce sont les anciens de l'église au singulier d'Éphèse. Donc dans la ville d'Éphèse, avec dans son église les anciens, dont les dirigeants de l'église d'Éphèse. Si on prend en comparaison avec la ville de Pétoa, devant Dieu, il n'y a qu'une seule assemblée ici qui lui appartient. Et cette assemblée-là est formée de tous ceux qui le craignent. Cette assemblée-là, ce n'est pas le lieu de rassemblement. Il faut que ceci soit clair dans votre tête. Que quand vous voyez Pétoa dans votre carte géographique, Quand Dieu lui voit Pétoa, il ne pointe pas que j'ai mon église là-bas. Jamais. L'église de Dieu, ce n'est pas ça, cette construction que vous avez faite. Aucun verset ne le dit. Tous les versets qui parlent de l'église parlent des êtres humains. Il n'y a aucun verset dans votre Bible qui se réfère de l'église comme étant un lieu. Et par conséquent, quand Dieu regarde dans votre ville ici, dans votre localité, quand il dit l'église de Pétoa, il parle de l'ensemble des chrétiens qui ont été régénérés de son esprit dans cette ville. Vous pouvez être rassemblé dans un lieu comme ça, 150, et qu'il y a une personne qui lui appartient. Dans un autre lieu, quelqu'un se rassemble, il y en a deux. Si dans toute la ville, il n'y a que trois qui appartiennent au Seigneur, alors quand il parle de l'église de Pétoa, c'est de ces trois personnes dont il parle. Amen. C'est ça dont c'est les questions. Il faut que vous saisissez bien ça. Donc nos rassemblements ne sont pas nécessairement l'église du Seigneur. Ce n'est pas parce que vous vous rassemblez comme ça que vous formez tous l'église de Dieu. Parce que 2 Timothée chapitre 2, verset 20 dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est lui qui connaît ses enfants. Et ce n'est pas ceux qui crient Seigneur qui sont ses enfants. Il connaît chacun de ses enfants. Et dans tous les lieux où se trouvent ces enfants-là, il les repère. Donc je veux que mes frères vous compreniez ceci. Si dans votre ville, si votre superficie c'est 45 hectares et vous êtes 2000 qui criez Jésus et que dans ces 2000 là il y a 50 personnes qui sont authentiquement chrétiennes, quand Dieu parle de l'église et ce lieu, c'est ces personnes dont il est question. Ce n'est pas le groupe de personnes qui crient, c'est à ces personnes qui se réfère. Avez-vous compris ceci? Voilà, donc l'église n'est pas un lieu. L'église n'est pas un lieu de rassemblement. Donc le langage que vous dites souvent, vous les anciens, écoutez très attentivement. Le langage que vous utilisez souvent, que venez à l'église dimanche, n'a pas de signification biblique. Parce que les êtres là sont les membres de l'église, du corps de Christ. Donc si vous dites que je m'en vais à l'église, vous avez un problème avec Dieu. Parce que c'est vous qui êtes l'église. Comment l'église doit aller en un lieu? Il faut que vous réfléchissez. N'est-ce pas, on utilise ce langage chaque fois. Que ne venez pas ici à l'église. Pointe quelqu'un dans le nez, pointe quelqu'un, mettez le doigt de quelqu'un, dit que ce n'est pas l'église ici. C'est nous qui formons l'église. Vous comprenez? Quand la Bible dit, quand... Donc, écoutez bien. Ce n'est pas l'église ici. Voici l'église. Vous avez vu la différence? Donc quand vous dites que je m'en vais à l'église, ça n'a pas de sens. C'est comme si vous entendez une voiture dire que je m'en vais conduire la voiture. C'est un peu comme ça, ça ne vous passe pas la tête, c'est même normal. Est-ce que la voiture peut aller conduire la voiture? Maintenant, vous qui formez l'église, vous dites que vous partez à l'église. Ça n'a pas de sens. Donc il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui parle de l'église comme étant un bâtiment. Ouvrez Colossiens au chapitre 4. Je crois, vous voyez qu'il faut qu'on corrige beaucoup nos langages, non? Donc, gardez-vous à l'esprit que l'église n'est pas un lieu. C'est pour cela que le Seigneur a dit que là où deux ou trois sont assemblés, vous êtes au champ. Vous êtes au champ. Vous travaillez, vous êtes fatigué. Vous asseyez sur un arbre. À deux, vous commencez à parler du Seigneur. Il dit qu'il est présent. Amen. Vous êtes en train de cuisiner. Vous parlez du Seigneur. Là où il est présent. Maintenant, vous avez dit que l'église, que la cuisine, c'est l'église. Ou bien l'arbre, c'est l'église. Que non. C'est vous qui êtes membre. de corps qu'on appelle église. L'ensemble des croyants forment ce que Jésus avait dit, je bâtirai mon église. Mais essayez de réfléchir avec votre tête. Quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, donc quand l'avait dit ça dans la Bible, c'est ça qu'il devait bâtir. C'est que vous avez le point de quelqu'un, dit fais attention. Il faut faire attention. Donc il faut que tout ce qu'on a tordu de nos têtes la sorte, d'accord? Vous voyez quelqu'un le matin, il se lave, il voit quelqu'un passer, il dit toi tu vas où? Il dit je m'en vais à l'église. Ça n'a pas de sens. Le langage biblique, c'est que je m'en vais à la réunion de l'assemblée. Voilà le langage biblique. Amen. Parce que c'est l'assemblée qui se rassemble. Ou bien l'église se rassemble. Le lieu n'est pas l'église. Mais c'est l'église qui se rassemble. La Bible déclare que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc il peut porter sa métamédo dans la vérité. Non, parce que la vérité sort au travers de nous. Gardez-vous à l'esprit que la Bible n'a jamais appelé un bâtiment l'église. Encore moins dans la Nouvelle, dans le Nouveau Testament, on n'appelle pas ça la maison de Dieu. N'essayez pas de tourner. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que l'église que vous avez construite, c'est la maison de Dieu. Ça ne se trouve pas. Voilà. Vous-même, je peux parler. On y dit à mes voilà. Je peux continuer à parler. Amen. Voilà. Colossiens chapitre 4, disons d'abord. Colossiens 4, 9. Vous êtes en question chapitre 4. Okay. Lisons le verset 4, 14 et 15. Écoutez très attentivement. Verset 14 à 15. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée. Oui. Et Nymphas. Oui. Et l'église qui est dans sa maison. Voilà, c'est bien, merci. Donc on dit qu'on salue qui? Nymphas et qui? Nymphas. Et? Donc on salue qui? Hein? Nymphas. Donc on va considérer Nymphas par exemple comme le papa Jacob. Donc, l'apôtre Paul dit qu'on salue par exemple papa Jacob. On dit qu'on salue papa Jacob. Donc comme quand on lit une lettre, la personne en train de lire te dit que l'apôtre Paul te salue. Parce que quand je tiens la lettre qu'on a écrite, je lis que l'apôtre Paul te salue. On dit que lorsque il finit, salut papa Jacob. Je salue encore. Qu'est-ce qu'on a dit? L'église. Il finit, il salue. Il salue l'église. De la peau pour te saluer. Vous pensez que c'est ça que la Bible parle? Donc on dit qu'on salue Nymphas. Puis l'église qui c'est? Qui est dans sa maison. Donc il y a sa maison, il y a l'église qui est dans sa maison. Il y a sa maison, puis il y a l'église dans sa maison. Et cette église qui est dans sa maison, ce sont les êtres humains. Vous y êtes? Amen. Attendez, maman, attends, vous avez une question. C'est ça, il faut qu'on enfonce le clou, que ça fasse mal et puis ça en guérit. Donc, parce que tu veux prendre votre question. Parce que ceci n'est pas fini. Donc, quand vous entendez, par exemple, c'est pour ça qu'il dit qu'on a hérité beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Donc, vous allez permettre que j'explique vraiment ceci bien. Parce que les dénominations sont un peu comme le mélange entre le cheval et l'âne. Ça produit ce qu'on appelle quoi? Le mulet, qui n'est ni cheval, ni âne. C'est ça les dénominations. On a hybridé un peu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament avec les traditions des hommes. Vous voyez, finalement, ce n'est plus l'Ancien Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament. Vous ne savez pas en quoi en réalité ça se passe. C'est comme ça les dénominations. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose dans l'Ancien Testament. J'explique quelque chose dans le Nouveau Testament pour que vous compreniez clairement le plan de Dieu. D'accord? Dans l'Ancien Testament, quand Dieu a fait sortir son peuple, toute votre attention, s'il vous plaît. Je vais parler, citer le verset, parce que la nuit tombe déjà, si il passe le temps là. Enfin, si vous avez lu la Bible, quand il va parler, ça va revenir. Dans l'Ancien Testament, donc, quand Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, ils étaient dans le désert. Dieu a donné la vision à Moïse de construire un tabernacle. Et pour que Moïse construise deux tabernacles, Dieu lui a donné la vision qu'il voit ce qu'il doit construire. C'est très important. Et à plusieurs fois dans l'Ancien Testament, Dieu lui donne l'instruction. Aie bien soin des frères d'après le modèle qui t'a été montré. C'est vrai, on dit. S'il a dit que la porte c'est deux coudées, ça doit être deux coudées. Aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc Moïse n'est pas venu faire construire quelque chose pour plaire à Dieu. Dieu lui a communiqué ses désirs de faire quelque chose. Nous ne faisons pas quelque chose pour aider Dieu. Dieu doit nous demander de faire quelque chose. Vous saisissez ça, n'est-ce pas? Nous ne devons pas faire quelque chose pour Dieu. Dieu doit nous communiquer ses désirs pour nous faire. Moïse n'a pas décidé de construire le temple. Il n'a pas décidé de construire le tabernacle. Dieu l'a appelé en haut, lui a donné quoi? La vision pour tous les temps et les ustensiles. Parce que ça avait une représentation de culte céleste. Et même, les personnes qui devaient participer à la construction, Dieu a dû communiquer la même vision, communiquer son esprit pour qu'il puisse réaliser tout ce qu'il a dit. Parce que Moïse n'a pas fait un dessin comme on fait souvent. Pour faire un plan, il s'éteignait comme ça. Il dit que faites comme ça, comme ça, comme ça. Les personnes qui devaient réaliser ça, Dieu a fait le choix. Il dit qu'il a mis son intelligence pour qu'il comprenne ce que Moïse va lui dire. Quand Moïse communique, il comprend ce qu'il a lui dit. Vous voyez comment Dieu fait pour que sa saison ne soit parfaite. Dans l'Ancien Testament, pour travailler donc chez Dieu et avec Dieu, il fallait être à la place que Dieu veut. Être appelé de lui pour faire cette tâche. Vous voyez cela? Déjà, même dans l'Ancien Testament, ça commence à être annoncé des couleurs de comment servir Dieu. Maintenant, ces temps d'assignation seront construits. J'ai pas le temps de parler des différents dauphins, la couleur, les fortes, etc. C'est pas le temps. Mais je vais vous montrer quelque chose. Ils vont commencer à donner les offrandes et autres là-bas dans le désert. Comme ils ne sont pas encore dans le pays de Canaan, Dieu va leur dire, lorsque vous serez entré dans le pays que l'Éternel vous donne, ne soyez pas déconcentré. Vous les anciens, ne soyez pas déconcentrés ici. Alors, Dieu leur dit que lorsque vous serez entré dans le pays que l'Éternel vous donne, il dit que ce n'est pas comme ça que vous allez pratiquer. Il dit qu'il y aura un lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. C'est là-bas qu'on va apporter les offrandes et ainsi de suite. Donc il dit que ce n'est pas comme ça que vous allez pratiquer dans le désert. Maintenant, quand ils vont entrer dans le pays que Dieu leur a donné, Dieu a choisi un seul lieu, Jérusalem, pour y faire résider son nom. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à faire les fêtes seulement à Jérusalem. Au point où chaque peuple devait monter à Jérusalem dans les différentes fêtes de l'Éternel. Il y en avait trois fêtes annuelles principalement. Où tout le peuple juif montait à Jérusalem pour célébrer. De telle façon, si quelqu'un servait dans un autre endroit, en disant que l'important c'est de célébrer, c'est que Dieu devait traiter rigoureusement avec lui. Parce que Dieu avait dit que c'est à là où il a fait résider son nom. Dans ces lieux donc, un homme va sortir qu'on appelle David. Un homme de guerre. L'âge de l'alliance va aller de lieu en lieu. Il vient en l'esprit de bâtir un lieu stable pour cette tâche-là. Nathan, le prophète, lui dit que tout ce que Dieu a fait, mais la nuit, Dieu dit au prophète, va dire à mon serviteur David qu'il ne fasse pas cette erreur. Ce n'est pas à lui de me bâtir une maison. Parce qu'il est un homme de guerre. Il a versé du sang. Il est coupable. Donc c'est le fils qui susciterait de lui. Qui me bâtirait une maison. Vous voyez directement, il prophétise Jésus. Que c'est le fils, la postérité de David, qui va bâtir une maison stable. Prophétisant l'église. Mais sur le plan physique, on voit Salomon qui sort de David. Salomon doit entreprendre de construire le temple. Je veux toute votre attention. Il dit, je recommence encore, je veux toute votre attention. Salomon a donc pour instruction de construire quoi? Tout le monde. C'est très important le pourquoi je le dis. Donc sur la terre, quand Salomon va construire ce temple à Jérusalem, il va inaugurer. Et le jour où l'assemblée sera là, il va immoler 120 000 bœufs là-bas. Il va ouvrir la main vers le ciel pour prier. Puis lui-même va prophétiser. Et de quoi donc? Dieu a retiré la dame pour faire des mains d'hommes. Subitement, il a compris que Dieu ne peut pas habiter là-dedans. Il comprenait qu'il réalisait une prophétie. Qui se donne de prophétiser pour quelque chose? Parce que dans cet temps, il était scindé en lieu saint, lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Ce n'est que le souverain sacrifice qui devait entrer une seule fois par année. Derrière le rideau. Maintenant Salomon construit ce temple. Souvenez-vous, c'est le temple. Donc sur toute la terre, gardez cette phrase dans votre esprit. Il n'y a pas deux lieux que Dieu agrée un temple. C'est uniquement à Jérusalem. Donc s'il y a un temple physique sur la terre qui honore Dieu, c'est seulement et uniquement à Jérusalem. Il n'y a pas deux temples. C'est pour ça que je vous ai fait répéter temple. Salomon n'a pas bâti les temples. Il a bâti l'unique temple. Que le Seigneur va trouver. Il dit qu'il ne sera pas ici, pièce sur terre qui sera détruite. Parce que ce temple physique, avec la présence de l'arche, représentait son corps. Avec l'habitation de Dieu en esprit. Dans Malachie chapitre 3, verset 1, il dit: voici, j'envoie mon messager devant moi et il préparera mon chemin devant moi. Puis il dit: et soudain entrera le Seigneur dans son temple, celui que vous cherchez. Donc le Seigneur qui priait chaque jour a prophétisé qu'il va s'envelopper dans un temple humain, venir vers lui après que son messager prépare le chemin. Jean-Baptiste, Dieu au milieu de nous, Emmanuel. Emmanuel. Le voilà. Donc il a prophétisé sa venue dans un temps. Et quand il va venir sur place, comme il est parlé en parabole, il dit: détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Quand il a dit ça, ils ont pensé à quoi? Le temple de Salomon. On a dit que ta tête ne tient pas. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le reverras. La Bible explique, il parlait du temple de son corps. Amen. Par ces paroles, il signifie que le temple que eux ils pensent signifie son corps physique. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Parce que le corps du Seigneur Jésus est le temple de Dieu. Amen. De la même façon comme le corps était le temple pour l'habitation de Dieu sur l'alliance. Donc c'est sa prophétie à lui là-bas. Vous comprenez? Donc encore, je résume. Sur la terre physiquement, pour qu'il y ait un temple qui est agréé de Dieu, c'est seulement où? Donc si un pasteur ou un prophète dit aujourd'hui qu'il veut construire un temple pour Dieu, c'est un sort. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'un seul lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Et cette prophétie-là, c'est la personne de Jésus là où il a fait résider son nom. Parce que son nom habite en lui. Yeshua. C'est lui ça. Vous saisissez, n'est-ce pas? Dieu qui sauve. Dieu est venu prendre la chair humaine pour sauver les gens qui étaient dans la chair. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Maintenant, quand il marche, lui il est au milieu d'eux. Le vrai temple dans le temple de Jérusalem prophétisait était en train de marcher. Mais le but du temple, c'est ceci. Dieu avait dit que c'est celui-ci qui bâtirait une maison stable. Au chapitre 16 de Matthieu, il dit à Pierre que tu es Pierre. Et c'est Pierre, je bâtirai mon église. Gardez ce mot-là, mon église. Mon église. Ceux qui sont appelés, mon église veut dire ecclesia. Ceux qui sont appelés ordres. Donc Dieu appelle son peuple de sortir d'un système. Tout se rassembler par son esprit. Église. Voilà ça. Donc voilà la première mention de l'église dans la Bible. Et c'est Jésus qui la prononce. Il dit je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prouveront point contre elle. Quand il dit cela, chaque membre du corps se trouve en lui. Exactement comme Adam marchait dans le jardin sans voir sa femme. Sa femme se trouvait où? En lui. Il a fallu que Dieu le pèse, enlève la côte pour former sa femme. Christ est allé à la croix. On a pèsé sa côte pour que ça sanctifie l'église. Vous cessez? Voilà. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Et 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, disent, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc pour une première fois, on applique le temps maintenant aux êtres humains. Pourquoi? Parce que Dieu habite dans le corps humain maintenant. Ce corps humain maintenant est appelé temple de Dieu. Donc n'allez pas croire que c'est la maison que vous baptisez, vous ressemblez, c'est ça qui est le temple de Dieu. Jamais. Sur la terre actuellement, il n'y a pas à Jérusalem le temple de Dieu. Le seul temple de Dieu sur la terre, c'est les chrétiens qui sont habités du Saint-Esprit. C'est voilà. Donc si vous construisez n'importe quoi dans le temple de Dieu, embellissez ça comme vous voulez. Que ça soit grand n'importe comment, ce n'est pas quand même le temple de Dieu. Faites n'importe comment, ce n'est pas le temple de Dieu, dit la Bible. Alors, si dans cette assemblée maintenant, une seule personne est remplie du Saint-Esprit, une seule personne est dans le Saint-Esprit, c'est lui qui forme le temple ici. Je pense que vous comprenez. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que aucune construction sur la terre ne peut être appelée temple de Dieu. Seuls les croyants remplis de l'Esprit de Dieu sont le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, dans verset 19, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Vous y êtes? Nous sommes le temple de Dieu. La Bible dit que vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, il dit formez-vous pour être une habitation de Dieu en esprit. Une maison spirituelle. On dit que nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Dans Hébreux chapitre 3, la Bible déclare que Moïse a été fidèle comme serviteur sur ses gens. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Donc la maison de Dieu, c'est quoi? Encore. La maison de Dieu pointe quelqu'un. Dis le bâtiment, ce n'est pas la maison de Dieu. Ne dis plus jamais que la maison, c'est la maison de Dieu. Que c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Dis à ton voisin que change de langage. Dis que ce lieu n'est pas l'église. Ce lieu n'est pas le temple de Dieu. C'est nous qui sommes l'église de Dieu. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Voilà. Même après avoir compris comme ça, vous allez voir comment c'est difficile que ça sorte de votre bouche. On parle de l'ombani à malum. Demain, vous allez dire que je m'en vais à l'église. On est venu. Parce que vous avez eu l'habitude de dire. Mais entendez, il faut que vous soyez nettoyé de cela. Ceci a fait le temps que quand quelqu'un sait que quand il ne vient pas à l'église, il est coupable. Il faut nécessairement aller. Par conséquent, vous allez prêcher à quelqu'un, il dit votre église c'est où? C'est pour ça que le premier juge est consécuté, ça rapidement qu'on ne pose pas cette question. Parce que vous posez cette question, il vous répond, vous allez commencer à être mes ennemis pour rien. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Si toute la terre m'envoie, il va enseigner la parole de Dieu. Quand je viens, il ne veut pas savoir comment tu t'appelles, ni quel tribut tu es. Ce qui nous lit, c'est la parole de Dieu. Ce que tu dois vérifier, c'est si je dis ce qui est scripturaire. Ma tribu n'a rien à voir là-dedans. Ma nationalité n'a rien à voir là-dedans. Vous comprenez cela? Quelque chose nous lit, Christ Jésus. En lui, toutes les barrières tombent. Donc il faut que les langages changent. Si vous comprenez tous ces principes-ci et vous les mettez en pratique, vous n'allez pas voir que les membres d'une autre dénomination comme votre ennemi. Vous allez seulement remarquer très bien qu'ils ont été enchaînés comme vous avez été enchaînés. Il faut qu'ils soient seulement libérés. Ils ne sont pas vos ennemis. C'est le système des hommes qui vous crée les barrières. C'est le système des hommes qui vous crée des barrières. Les dénominations donc sont des barrières. Ça trace les limites. La Bible ne trace pas les limites sur vous. Dans Romains chapitre 13, le verset 8, la Bible déclare que ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc vous avez la seule dette que Dieu vous prévoit, c'est de vous aimer. Qu'est-ce que quelqu'un d'une autre assemblée a fait pour que vous ne l'aimez pas? Pourquoi vous allez seulement aimer quelqu'un de vôtre? Jésus est mort seulement pour vous, seulement pour eux, ou bien ils ont eu le pied de Jésus, vous avez la main de Jésus. Et d'autres assemblées ont eu la tête de Jésus, l'autre le sang de Jésus. N'est-ce pas, il est mort pour nous tous? Pointe quelqu'un, dit arrête les divisions. Dis arrête les divisions. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Voilà. Donc vous voyez effectivement qu'en réalité, si vous comprenez bien la Bible, vous allez voir que les gens ne sont pas vos ennemis. C'est le système humain qu'on a mis entre vous qui vous crée des problèmes. C'est ça qui vous amène des problèmes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai terminé avec ce chapitre-là. Alors, en résumé, sous l'ancienne alliance, il y a trois choses que vous devez garder. Dans la nouvelle alliance, il y a trois choses que vous devez garder. Et ces trois choses, je vais les expliquer. Sous l'ancienne alliance, il y a un lieu qu'on appelle temple. Dans ce temple, il y a ce qu'on appelle le sacrifice à offrir. Et celui qui offre ce sacrifice, on l'appelle le sacrificateur. Donc il y a besoin d'un temple, d'un sacrifice à donner, d'un sacrificateur. Voilà le résumé de l'Ancien Testament. Ça, c'est le culte donné à Dieu sous l'Ancien Testament. Voilà donc le résumé de l'Ancien Testament. Besoin d'un temple, d'un sacrificateur qui doit servir là-bas en donnant le sacrifice à Dieu. Voilà le culte. Dans le Nouveau Testament, maintenant écoutez très bien. On a besoin d'un temple, d'un sacrifice à donner et d'un sacrificateur. Ça n'a pas changé. Parce que le culte ne peut pas changer. Maintenant, allons-y. Dans l'Ancien Testament, le temple était à Jérusalem. Le souverain sacrificateur, c'était Aaron. Le sacrifice était l'agneau et le bouc. Le bouc symbolisait qui dans le Nouveau Testament? Qui? Le bouc, l'agneau et tout consacré, ça symbolisait qui? Jésus dans le Nouveau Testament. Le temple qui était dans l'Ancien Testament prophétisait qui? Le souverain sacrificateur jouait le rôle de qui? Donc dans l'Ancien Testament, on a le temple, on a le sacrificateur, on a le sacrifice. Dans le Nouveau Testament, on a le temple qui est Jésus. On a le sacrifice qui est Yes. Et on a le sacrificateur qui est applaudissé pour lui. Yes. Donc, notre Seigneur Jésus est en même temps le temple pourvu par Dieu, le sacrifice pourvu par Dieu et le souverain sacrificateur pourvu par Dieu. Donc, le chrétien n'a pas besoin du temple pour adorer. C'est ce qu'il a dit dans Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Parce que c'est là qu'on a pour le problème de dénomination là-bas. Et que vous, les jours, vous adorez à. Nous nous adorons à. Il dit arrête-moi ça. Que c'est terminé. Terminé. Que l'heure vient. Et elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Ce n'est ni à Jérusalem. Vous voyez, pourtant dans l'Ancien Testament, il avait dit que c'était le lieu qu'il avait choisi pour faire une réunion. Il veut dire que c'est terminé. Ou ce n'est ni à Jérusalem. Ni sur cette montagne que vous adorez Dieu. Dieu est esprit. Donc on peut entrer en contact avec lui n'importe où. Pourtant sur l'ancienne alliance, pour que tu sois propice, pour agréer, il fallait te déporter à Jérusalem. Vous savez, n'est-ce pas? Pour indiquer quoi? Que c'était le lieu, le chemin. Jésus, maintenant, dans la nouvelle alliance, est le chemin pourvu par Dieu. C'est en lui. On ne peut pas aller autrement que par lui. N'est-ce pas le type qu'on effectivement? Alors, le chrétien n'a pas besoin du temps parce que c'est lui le temps. Et ce qui est curieux, c'est que comme on a appelé le Seigneur Jésus, qu'il a en même temps le temple, en même temps le sacrifice, en même temps le sacrificateur, le chrétien est identique comme ça. Fait parce que nous sommes semblables à lui. Dans Romains chapitre 12, verset 1, la Bible déclare que je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, saint, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Donc nous-mêmes, nous sommes des sacrifices pour Dieu. Et on vient de citer tout à l'heure que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc on est le sacrifice, on est le temple. La Bible déclare, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes des sacrificateurs, nous sommes sacrificateurs, nous sommes temple, nous sommes sacrifices, exactement comme Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous comprenez ça, vous n'allez pas souffrir. Si vous comprenez ça, vous n'allez pas faire des prières. Seigneur, montre-moi le lieu où je vais aller prier. Le lieu où le Seigneur veut vous rencontrer, c'est dans votre cœur. Il a dit, entre dans ta chambre. Invoque ton Dieu qui voit dans le secret. Il te répondra. Le seul lieu où vous pouvez prier sans être troublé, c'est dans votre cœur, le point de contact. Donc vous pouvez être en train de me regarder comme ça, en train de prier à l'intérieur. Là-bas, on n'a pas besoin de l'autorisation. Donc toute personne qui prend l'autorisation de l'État pour fonctionner a quitté l'autorisation de Dieu. Parce qu'aucune autorité sur la terre n'est au-dessus de l'église. L'église est coordonnée par le Seigneur Jésus. Vous allez devant l'autorité de l'État pour prendre une autorisation pour prier. C'est que quelque chose ne va pas chez vous. Ça, vous n'avez pas compris ce qu'on appelle église. L'église, c'est une habitation de Dieu en esprit. Vous n'avez pas à prendre l'autorisation de l'homme pour que laisser Dieu vous utiliser. Dont les dénominations sont des entreprises humaines. Alors quand ils prennent l'autorisation, il faut qu'ils soumettent des règlements intérieurs. Même s'ils mentent entre les règlements intérieurs et la pratique qu'ils font là-bas. Quand ils donnent l'autorisation, ils disent notre culte. Et si vous définissez dans votre règlement intérieur, et si votre plaque, que jour de réunion, mardi, 20h-21h, vendredi 10h-12h, dimanche 8h-14h. Je vous pose une question. Vous mettez votre plaque comme ça, vous fixez votre culte, l'intervalle du début, l'intervalle de la fin. Si vous commencez à 8h, vous finissez à 14h. Et si Dieu doit venir au rendez-vous à 16h, il trouve qui? Donc vous avez fixé votre rendez-vous, vous voulez que Dieu vienne dans votre rendez-vous, là là là. Donc il doit suivre votre rythme. Pointe quelqu'un. Dis changer. Ne programmez pas Dieu. Dis ne programmez pas Dieu. C'est ça que les dominations font. On programme Dieu. On dit jour d'enseignement. Donc un jour pour l'enseignement. Jour de prière de délivrance. Donc Dieu doit obéir à ces jours-là pour délivrer. Oui, il y a un problème. Or, dans 1 Corinthiens, nous avons lu, on dit que c'est l'esprit qui dirige et fait comme il veut. Mais sur le plan physique, c'est nous qui faisons le contrôle de Saint-Esprit. Mais c'est. Donc il faut qu'on quitte cela. Vous n'avez pas besoin de la dénomination. Les gens qui courent derrière les plaques ou bien les autorisations, c'est parce qu'ils ont peur de souffrir pour le nom du Christ. C'est pour ça qu'ils se compromettent comme ça. Et que vous prenez, maintenant je vais vous dire, si vous prenez l'autorisation pour fonctionner, vous êtes obligé d'être soumis à la loi de la République. Et quand l'ONU et le pape vont voter, que toutes les églises institutionnelles se soumettent à la religion unique, vous voulez ou ne voulez pas, vous allez vous soumettre. Et vous toutes dans la salle, vous prenez la marque de la bête. Quittez cette domaine là. Quittez cette voie. Laissez sous la conduite du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Oubliez les régulations humaines. Quand vous rassemblez, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Le Saint-Esprit peut vouloir qu'on chante seulement et que ça s'arrête. Mais vous voulez chanter, faire du verset que vous avez programmé. Il peut vouloir que vous rassemblez là, vous mettez cela à genoux, vous priez et ça s'arrête. Vous voyez cela? Il peut vouloir seulement que vous, les gens se lèvent et témoignent ce que Dieu a fait pour eux. Et le culte s'arrête là. Mais vous voulez toujours faire les articulations humaines, les mêmes répétitions. Pointe quelqu'un. Dis, il faut que ça s'arrête. Dis que arrêtons ça. Laissez Dieu vous diriger. C'est ce qui bloque sa manifestation. Parce que quand lui vient à nous, il veut faire comme il veut. Mais nous, nous sommes là, nous voulons faire les choses de Dieu et que lui, il nous suive. La Bible ne dit pas que le bon berger fait sortir les brebis et le bébé marche devant lui. On dit que c'est lui qui marche devant les brebis pour me les montrer le chemin. Nous suivons Jésus ou bien c'est Jésus qui nous suit? Qui doit suivre qui? Pourquoi on confesse donc on doit suivre Jésus? Et on dit Jésus viens faire ceci. Il est notre serviteur. Ou bien c'est nous qui sommes ses serviteurs. Où est le problème qu'on a aujourd'hui? Donc quittons la voie de la dénomination. Lâchons les traditions humaines. Rentrons dans la repentance. Laissons Dieu agir. Quand on va abandonner toutes nos facultés intellectuelles, toutes nos capacités humaines, à cet instant-là, le Saint-Esprit va commencer avec nous. À cet instant, il va commencer. Quel que soit tous vos programmes que vous pouvez faire, c'est seulement le service que l'Esprit rend qui est agréable à Dieu. Vous pouvez faire quelque chose par votre capacité qui plaît à Dieu. Parce que le service divin est un service spirituel. Donc, si vous faites ça sans le Saint-Esprit, vous perdez votre temps. J'espère que vous avez entendu cette voix aujourd'hui. Changez donc. Changez donc. Que Dieu vous bénisse. J'aurais souhaité continuer, mais comme une obscurité est tombée pour aujourd'hui, il n'y a pas la lumière, on devrait continuer. On continue. Mais il y a des gens qui vont loin, vous allez marcher dans la sécurité. Que Dieu vous bénisse vraiment. Bon, demain déjà on se rencontre comment? On va tracer la journée de demain. À la matinée. À matinée. Pour la soirée, là, il faut qu'on s'arrête comme ça. Oui. Donc on va s'arrêter aujourd'hui cette soirée. Donc demain dans 9h10, mettons 10h, d'accord? Django quand j'aime ça pour. 10h c'est trop? Non. Trop tôt ou bien trop tard? Bon, on confirme vers 9h. Oui, 9h. Ok, 9h donc on se rassemble, d'accord? Pourquoi on a le temps de travailler? Souvenez-vous, il y a une femme qui est dit là quand je vais voir encore. Celle qui a témoigné ici. Donc, je vais prier. Il y a une autre femme qui a levé la main pour poser une question. Il faut qu'on traite le problème des planning familial là. Parce qu'il faut que les hommes ici se maîtrisent. Ils pondent seulement les enfants comme les œufs. Voilà. D'accord, frère? Les frères ne disent plus Amen maintenant. Maintenant, quand on dit ce qui les touche, maintenant personne ne dit plus Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, on prie. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce. Reconnaissants pour ta nourriture que tu nous donnes pour nous réformer. Merci pour ce peuple que tu as nourri aujourd'hui, Père. Merci Père de gloire parce que je sais que ces paroles ne sont pas tombées sur une mauvaise terre. Mais que ça va produire au Dieu de gloire le fruit que tu attends pour eux. Je prie Père de gloire que ce peuple soit présenté à la fin des temps Père de gloire pour toi comme un décorant pour ta gloire. Ces personnes que tu as acquis à la croix par ton sang. Je prie que tu leur donnes Père de gloire de ne pas être des auditeurs oubliés. Mais qu'ils se mettent à l'œuvre, mettent en pratique et puis ils remettent en cause Père de gloire tout ce qu'ils ont reçu qui soit faux. Je prie que ton esprit les aide dans cette marche Père de gloire au nom du Seigneur Jésus. Ils sont venus sous ta grâce et te les recommande que tu les conduises parce que nous rentrons encore pour nous revoir le matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc rentrez, vous pouvez couper le jeûne maintenant, d'accord? Vous pouvez couper le jeûne. Vous pouvez couper le jeûne. Que Dieu te bénisse, mon cher. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ah, ah.